Nous sommes le 4 novembre et ça y est, Julie ne remplit plus son rôle et ne fait plus les intros pour les freestyles. Ah non, ça doit être beaucoup plus malin que ça. Un freestyle se doit d'être un freestyle avec ses imprévus et originalités, donc elle me laisse faire ce soir pour annoncer la couleur. Nous sommes donc le dernier jour de l'an 29 après Nicotube. Vous êtes bien dans l'épisode 10 en base 192 de Podcast Science, bienvenue. Bonjour à tous et donc petit tour de table pour commencer. On a d'abord Damien qui suit nos bêtises et nos propos préparations un peu aléatoires chez Alan. Salut Damien. Bonjour. On a donc bien sûr Alan chez Alan. Salut les lapins. On a Robin qui est en face de moi physiquement donc chez moi. Oui, parce que j'ai pas encore internet chez moi. On a Julie depuis chez elle. Salut. Et enfin, on a moi-même depuis chez moi aussi. Donc au sommaire de l'émission de ce soir, on a l'interview de Damien. On a une interview de Nicolas Grandjean. On a donc l'exceptionnel rubrique fail de Robin. On aura un blog audio. On aura un retour sur les émissions précédentes. Des tas de messages en vrac. Le pitch. Une quote. Un retour sur les dons. Ah ouais, on a tout ça. Ouais. On a plus de fois aussi. Et puis les plugs, comme d'habitude. Et des plugs qui n'ont rien à voir avec celui qu'il y avait sur la place Vendôme à Paris, c'est ça? C'est un freestyle, on a le droit. Alors attends, c'est sorti après quoi? 30 secondes, c'est ça? Bon, tout ça pour dire que je propose qu'on commence tout de suite. Et puis non, on précise comme d'habitude sur les freestyles que c'est Julie qui a tout mené de main de maître pour préparer. Nous, on arrive un peu comme des sauvages et, ouais, et avec c'est encore un peu d'aide merveilleusement de... préparé. D'Alan. Quoi. Avec de l'aide d'Alan pour les invités. Quoi. C'est ça, hein? Yep. Bon, plutôt que de continuer de digresser, je vous propose qu'on attaque parce qu'on a un programme chargé. Du coup, on va passer la parole à Damien. Donc, Damien, on s'est connu par site web interposé. Le tien s'appelait lespostiers.fr. C'était un projet collaboratif qui a un peu souffert, je crois, d'une tentative de mise à jour qui a mal tourné. Enfin, vu sa tronche, il est mort. C'est dommage, parce que c'était vraiment bien. Tu peux nous en dire un mot, nous expliquer comment ça fonctionnait ou comment ça fonctionnait pas, d'où le projet était parti, comment on peut te corrompre pour que tu te remettes à écrire sur l'Internet mondial? Salut Alan, bon d'abord merci de m'avoir invité. Alors pour ce qui est de Les Postiers, c'est en fait c'était le site web, le blog Le Postier qui avait fait des petits et qui avait suite à, enfin j'avais découvert ça via des amis, j'avais commencé à suivre leur posts en permanence et puis j'avais commencé à leur envoyer des posts aussi et puis on s'était décidé à créer une version pluri-écrivain ou pluri-blogueur des postiers. Donc, on s'était mis à 6 à faire chacun notre tour des postes un peu, voilà, chacun à son rythme, chacun avec sa quantité de postes. Et donc, l'idée, c'était de faire du compostage. L'idée, c'est toujours de faire du compostage parce qu'on va s'y remettre un jour et c'est juste une question de temps avant qu'on relance un nouveau postier ou des nouveaux postiers. Ou quand c'est plus que les postiers, je ne sais pas ce que ça donne. Mais donc voilà, donc l'idée c'était de faire du compostage, de faire un site un peu agrégateur de différents contenus qu'on trouvait sur le web, avec une idée de détournement, une idée d'actualité, une idée de critique un peu de la société, un peu de tout. Donc voilà, on avait lancé ça et puis on créait des posts assez régulièrement. Et en effet, donc il y a eu une mise à jour qui a mal tourné. Et donc le blog est un peu en berne en ce moment. Va falloir qu'on fasse un peu d'archéologie pour retrouver les backups, s'ils existent encore. Mais bon, on espère remettre ça sur pied d'ici quelques temps. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'allais me foutre de ta gueule en disant si, s'il n'y en a pas un qui a été foutu de faire un backup. Mais en fait, je ne sais pas combien on a chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un fait des backups. Ce serait bien qu'on y songe. C'est pas le site qui fait des backups tout seul? Ouais, voilà. C'est Robin qui s'en occupe, non? Ouais, ça doit être ça. Bon, voilà, t'as la chance que le site soit encore en ligne. Robin, tu peux replanter le persil dans tes oreilles. On continue. Donc Damien, en attendant, tu postes régulièrement des billets super intéressants sur notre communauté Google+. Un immense merci pour ça. J'en profite aussi pour dire un tout grand merci aux autres contributeurs de la communauté Google+. Je pense notamment à Frédéric Conroth, le Fred de la chatroom, à Martin Seekink, je crois que ça se prononce comme ça. Merci tout le monde. Damien, je m'excuse de boycotter Google+. Tu fais un travail fantastique. Pas de problème, je comprends. Ouais, c'est bien. T'es sage, tu peux. Bravo. Je vais te demander tes sources. C'est quoi? Ils viennent d'où, tous ces articles que tu partages? Alors, principalement, ils viennent de Netvibe et de iTunes. Donc, en gros, je suis abonné à pas mal de flux RSS que j'essaye de suivre un petit peu et pas mal de podcasts différents. Donc, beaucoup des émissions de France Inter, de France Culture, des émissions, des chroniques. J'ai eu le plaisir d'entendre Robin il n'y a pas si longtemps sur France Inter. Ah oui, Robin et son blog. Voilà. Son blog mystérieux dont on ne parlera pas ce soir. Et donc aussi, enfin, je suis abonné à quelques chaînes YouTube aussi, bon, pour donner 2-3 noms, les classiques, j'imagine que beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, mais Y Penser, Dirty Biology, Ted Head, Danny Caligula, Prof Okita, donc pour n'en citer que quelques-uns, mais il y en a vraiment pas mal. Et puis pas mal de blogs de vulgarisation scientifique, donc qui arrivent sur les flux RSS. Bon, pour en citer quelques-uns encore, Passeurs de Science, Dans les testicules de Darwin, Axolot, Chou Romanesco, Vashkiri, Intégral Curviling, entre beaucoup d'autres. Donc voilà, j'essaye de suivre un peu l'actualité scientifique, la vulgarisation scientifique, puis quand je trouve... Alors j'essaye de me restreindre à un post sur Google Plus par jour, j'y arrive pas tout le temps, mais, mais voilà, c'est un peu l'idée, j'en sélectionne un par jour et puis j'essaye d'en poser un par jour. C'est cool, on apprécie bien. Tu peux juste, t'as évoqué 2 fois flux RSS, expliquer à Robin ce que c'est. Alors un flux RSS, donc c'est un flux qui se remet à jour à chaque fois qu'un blog, par exemple, publie un nouveau contenu, un nouveau post. Il suffit de s'abonner. Alors il y a pas mal de logiciels, soit directement online comme Netvibe ou d'autres. J'ai RIP à Google Reader que je suivais régulièrement et qui a disparu pour mon plus grand désespoir. Mais il y a aussi, si je ne me trompe pas, il y a Thunderbird qui permet de suivre des flux RSS. Donc en gros, on va chercher un blog via le flux RSS, on cherche son flux RSS et on s'inscrit à travers ce lecteur de flux et puis on est informé dès qu'il y a un nouveau post, dès qu'il y a un nouvel article de blog ou dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort. T'es dur, ouais. Alan, parce que ouais. Robin sait très bien ce que c'est un flux RSS, il en a un sur son blog. Dans la vraie vie, t'es un scientifique un peu bizarre, je vais essayer de pas me planter, tu es hydrogéophysicien, c'est ça ? Donc l'hydrogéophysique, c'est la physique de l'eau, hydro, qui s'écoule dans la terre, géo. Concrètement, c'est quoi ? Eh ben, c'est exactement ce que tu dis. Donc, je m'intéresse à l'écoulement de l'eau dans la terre en utilisant des méthodes physiques. Donc, le plus simple, je pense, pour comprendre ce qu'on fait, c'est de faire une analogie avec l'imagerie médicale. Donc, pour ceux qui ont déjà passé un scanner, la grosse machine dans laquelle on rentre et qui fait dzz, dzz, dzz, dzz en permanence, ou ceux qui ont déjà fait un électroencéphalogramme ou un électroencéphalogramme. Donc, en fait, l'idée, c'est de mesurer des propriétés physiques, comme dans les cas de l'imagerie médicale, le potentiel électrique pour l'électroencéphalogramme ou pour le cas du scanner, les rayonnements en rayon X. Enfin, il y a pas mal de techniques différentes. Et l'idée, c'est que moi, j'utilise ce genre de technique-là, mais pour essayer de comprendre un peu comment l'eau est distribuée dans la roche, comment est-ce que l'eau s'écoule dans la roche. Donc, il y a plusieurs principes de base, comme un écoulement d'eau va créer une distribution de champs électriques qui va être mesurable. Donc, si je verse de l'eau dans un bloc de sable, par exemple, je vais pouvoir suivre l'écoulement de l'eau en mesurant les différences de potentiel électrique à la surface du sable. On peut aussi mesurer des résistances électriques de roches pour savoir s'il y a plus ou moins d'eau ou s'il y a plus ou moins d'air, s'il y a plus ou moins de polluants. Donc il y a pas mal d'applications différentes. Voilà, moi je travaille principalement sur ces thématiques-là appliquées à l'environnement, donc tout ce qui est remplissage des nappes phréatiques et suivi de l'infiltration de l'eau et puis suivi des polluants dans le sol. En résumé, on peut dire, je pense que je torture les roches en les électrocutant, en leur mettant des électrodes partout ouais, voilà. Ok, donc non seulement on peut s'amuser en regardant couler de la flotte entre des cailloux, mais en plus ça permet de sauver le monde. On apprend tous les jours. Ouais, alors sauver le monde, je sais pas, on verra, mais Mais essayer d'un peu mieux comprendre la physique des roches et puis les applications, ça commence à être de plus en plus utilisé dans les problématiques environnementales, que ce soit les suivis de polluants ou juste retrouver l'eau. Je discutais avec un doctorant la semaine dernière qui cherchait où était la nappe phréatique dans un aquifère. Donc en gros, qui cherchait où fallait creuser pour avoir de l'eau dans un aquifère, donc dans une nappe phréatique en Afrique. Et pour ça, il cherchait là où étaient les fractures, là où il y avait de l'eau qui pouvait rentrer dans le sol, là où elle pouvait être stockée. Et donc, il y a pas mal d'applications. Et donc, sauver le monde, je sais pas, mais améliorer le quotidien de certains, voilà, il y a encore du boulot, mais ça commence à être possible. Juste une question, pardon, je me permets d'intervenir. Tu te sers, tu as une utilité, tu as un lien avec les modélisations de ces choses-là, de la percolation par les physiciens, les mathématiciens, notamment avec les histoires de mouvements browniens, trucs comme ça? Alors oui, complètement. Dans géophysique et dans hydrogéophysique, il y a physique, donc je passe mon temps à manipuler les équations de Maxwell et autres joyeusetés d'équations plus ou moins complexes. Mais oui, typiquement, je fais pas mal de modélisation numérique, donc pas mal de simulation numérique pour essayer de comprendre ce qu'on mesure, parce que quand on mesure des choses, l'intérêt de la géophysique, c'est de mesurer les choses de l'extérieur sans rentrer dedans. Donc, on ne sait pas exactement comment fonctionnent les choses à l'intérieur. Donc, à partir de mesures qu'on fait, on va essayer de retrouver ce qui s'est passé à l'intérieur de la roche, par exemple. Et pour retrouver ça, alors, on résout ce qu'on appelle un problème inverse, c'est-à-dire on regarde les mesures qu'on a faites et on essaye de trouver le modèle physique, les processus physiques qui expliqueraient les mesures qu'on a faites. Et donc, typiquement, les problématiques de mouvement brownien, je m'en sers beaucoup dans les problématiques de diffusion d'ions dans les milieux, donc que ce soit de la diffusion de pollution ou autre. Et puis, après, tout ce qui est simulation numérique, méthode en éléments finis, différence finie, etc. C'est des trucs qui sont un peu les outils de tous les jours. Ok, donc en lien avec des médailles Fields récentes, quoi. Alors, peut-être pas directement avec ce qu'ils ont fait, mais poussé, peut-être pas aussi directement, mais un jour peut-être, quand j'aurai pris exactement. Quand t'auras une médaille Fields, essaie de faire mieux que Robin. Pense à nous citer quand tu parles à la radio, quoi. je n'y manquerai pas, pas de problème. C'est sympa. Cette attention nous touche. Pour revenir à l'hydrogéophysique, tu es même docteur en hydrogéophysique. Sur quoi portait ta thèse? Alors, si j'ai le droit de dire des gros mots... Vas-y, dis-nous le titre de ta thèse et puis après, tu as le droit d'expliquer. Mais on veut déjà le titre. Alors, j'ai fait une étude géophysique des phénomènes de transfert dans les argilites du Calovo oxfordien partiellement saturé en eau. J'adore les titres de thèse. Ouais, c'est cool. Donc, si on fait mot à mot, étude géophysique, donc physique de la Terre, des phénomènes de transfert, donc je m'intéressais à tout ce qui est écoulement d'eau, diffusion de polluants, donc par exemple les ions qui diffusent dans les milieux. Et je m'intéressais donc aux argilites du Calvo oxfordien, et ça fait écho à un des dossiers qui a été fait sur Podcast Science sur l'enfouissement des déchets radioactifs, et le projet CIGEO notamment. Parce que j'ai étudié comment se comportaient les argiles quand on diminuait leur teneur en eau, c'est-à-dire quand on commençait à les sécher. Et j'ai essayé de comprendre comment on pouvait déterminer les paramètres de transport de l'argile, c'est-à-dire à quelle vitesse les potentiels polluants, les futurs potentiels radionucléides pouvaient traverser l'argile. Donc l'idée, c'était, à partir de mesures physiques, toujours pareil, en électrocutant mes échantillons ou en mesurant les potentiels électriques un peu partout, en les séchant et autres, j'essayais de comprendre comment était structuré le milieu de ces argiles consolidées, et puis d'essayer de comprendre par quel chemin risquait de passer la pollution, à quelle vitesse quand il y avait moins d'eau et tout ça. Donc voilà donc un sujet très très concret et très urgent, en fait. Oui, très appliqué. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de développement, de développement théorique, quelques mesures sur échantillons. Mais c'est vrai ce travail pourrait être encore poursuivi en allant sur le terrain, en faisant des mesures directement dans le laboratoire de Bure dont vous avez parlé. Donc peut-être dans le futur à voir. Et donc le dossier, c'est pour quand que tu le rends déjà ? Demain 16h. Il m'a pas encore dit, Alan. C'est demain 16h en général, la deadline. C'est ça, c'est tout simple. Demain 16h. Ok. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir, parce qu'en papotant comme ça de choses et d'autres, tu m'as parlé du peer reviewing et de quelques anecdotes croustillantes. Et ça m'intéresserait vachement de profiter de t'avoir sous la main pour que tu nous en livres au moins une. Alors, le peer reviewing, je ne sais pas si c'est bien connu de tous ceux qui écoutent. C'est un système un peu bizarre où les chercheurs doivent absolument publier des articles pour publish or perish. J'imagine que tout le monde a un peu entendu ça. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait nos recherches, on est content, mais maintenant, il faut publier, il faut communiquer là-dessus. Et donc, c'est un système un peu bizarre où on va pas être payé pour écrire des articles, on va payer pour pouvoir les publier. Et si après, on veut les lire, il faut payer aussi pour pouvoir lire les articles qu'on a écrits. Et j'aimerais même préciser encore à ce que tu dis, c'est qu'on paye même parfois plusieurs fois pour publier. Hein. C'est vrai. Quand tu fais des articles de conférence, tu es obligé de payer pour aller à la conférence aussi. Exactement. Et puis dans ce système-là, donc il y a l'auteur qui paye tout le temps, et il y a aussi ceux qui travaillent pour les journaux et qui vont. Alors il y a ce qu'on appelle le système de peer review dont Alan parlait, où là on va demander son avis à un expert du domaine dans lequel on publie un article. Cet expert va devoir lire le papier, le critiquer, dire s'il est bon, s'il est mauvais, s'il faut l'améliorer. Et puis, donc, cet expert va être amené à émettre un jugement sur le papier pour savoir s'il vaut le coup d'être publié dans le journal en question. Donc, c'est aussi un travail qui prend énormément de temps, pour lequel on n'est pas payé non plus, d'ailleurs. Mais c'est un travail super intéressant et puis ça apporte beaucoup. Mais comme disait Alan, il y a des fois des petits trucs un peu bizarres qui se passent. C'est-à-dire qu'on envoie un papier, on attend les réponses du reviewer, on attend. Et pendant ce temps-là, on voit un autre papier publié dans le même domaine. Et sur des idées un peu similaires, mais avant que le nôtre soit accepté. Et donc, ça arrive comme ça que des reviewers, donc, ça, comme on dit, ils s'assoient sur le papier parce qu'ils ont fait plus ou moins la même chose, plus ou moins en même temps, peut-être un peu différemment. Et donc, T'as pas le système des préprints pour ça ? Alors après, ça dépend des journaux, ça dépend des domaines. Par exemple, je sais qu'en astrophysique, on envoie tout sur des serveurs online. Une fois que le papier est soumis, il est mis par exemple dans ArcSive ou d'autres serveurs comme ça. Après, selon les domaines, ça varie beaucoup. Le problème, c'est qu'on peut pas empêcher un chercheur qui a travaillé sur le même domaine que soi de publier. Mais quand on est reviewer de son papier, certains, quand ils s'assoient sur le papier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ils oublient, ils attendent un peu, ils ont pas le temps et ils ont le temps de publier leur papier avant que le sien passe. Donc, je parle pas d'expérience directe, mais j'ai des. D'autant plus qu'il faut préciser que dans certains domaines. Le nombre de spécialistes qui peuvent reviewer un papier se compte sur les doigts de la main. Donc, en général, ils peuvent être plusieurs à travailler exactement sur la même chose au même moment et d'avoir à se reviewer les uns les autres. Quoi. Et c'est exactement le problème. Ouais. C'est un domaine souvent tellement spécialisé que c'est difficile de trouver le spécialiste du grain de sable et de son énergie de gips à tel endroit, dans telle roche. Donc voilà, on sait plus ou moins qui va travailler là-dessus et qui risque de reviewer. On avait fait un petit débat là-dessus sur l'open science, entre autres. Bon, de toute façon, c'est un débat sans fin, on pourrait même en faire plusieurs émissions. Moi, je sais que ça m'intéresse, mais ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Donc, on avait fait un petit débat là-dessus. Dans un sujet proche, il y a un documentaire sur Aaron Swartz qui donne une idée de qu'est-ce que ça donne d'essayer de s'attaquer à ce système-là. Parce que pour mémoire, Aaron Swartz avait essayé de rendre libre d'accès beaucoup de publications qui étaient en accès payant justement, en disant que c'était de la recherche publique et donc de la recherche publique devrait être accessible gratuitement. Et bon, il l'a payé un peu cher. Alors après, pour ce qui est de l'accès public, la plupart des chercheurs américains, du moins financés par l'État américain, enfin l'État fédéral américain, ils ont une autorisation de divulguer leurs travaux et de le mettre sur leur site. Mais et... de ce qu'on avait discuté avec Clara, entre autres, etc., qui était venue pour l'épisode Open Science, c'est que je crois que c'est très variable en fonction des spécialités. Et qu'il y a des domaines où même si c'est autorisé, hein, ça je ne sais pas, il y a des domaines où ça ne se fait pas du tout. et des domaines où ça se fait beaucoup. C'est vrai que dans mon domaine, on peut facilement retrouver les papiers des gens, soit en les contactant directement par email, parce que les gens répondent assez bien. En général, on est toujours volontaire pour donner les papiers qu'on a fait pour que ce soit connu par d'autres. Mais après, ouais, c'est vrai que ça dépend pas mal des domaines. Donc, je peux pas juger pour les autres domaines. En géophysique, on retrouve assez facilement, et puis on essaye de distribuer. Et puis sinon, il y a toujours le système, et ça, c'est vrai que c'est pas encore assez utilisé, mais en France, par exemple, il y a un serveur qui s'appelle Hyperarticle en ligne, où on peut mettre les articles qu'on a écrits, donc pas au format journal, c'est-à-dire pas au format qui a été édité par le journal et auquel on donne tout droit de reproduction et auquel on n'a plus le droit de toucher, mais on peut mettre la dernière version qui a été acceptée par le journal et en format LaTeX, Word, RTF, quoi que ce soit, et comme ça la mettre à disposition de la communauté. Donc des systèmes comme Archive ou comme Hyperarticle en ligne, ça permet ça. Je sais qu'au début de ma thèse, quand je n'avais pas accès à tous les articles, ça m'a bien aidé que beaucoup de chercheurs mettent à disposition leurs travaux dans des formats non édités journal, sachant qu'il y a exactement le même fond de travail. Ça permet de donner accès à ces travaux à tout le monde de façon complètement légale et justement un peu squeezer le passage où tout le monde doit payer. Donc bon, c'est une des solutions. Sinon, j'en profite pour faire un peu de pub pour Google+. Désolé Nicotube. Mais en ce moment, il y a on a posté, puis il y a quelques discussions autour de critiques et de propositions pour la limitation du nombre d'articles inutiles qui a été fait par un chercheur scientifique. Donc c'est un article passeur de science. Et John Ioannidis, un professeur de Stanford, qui a pas mal critiqué l'inutilité de nombreux travaux scientifiques et justement ce système de publication. Donc si ça intéresse certains, je vous encourage à aller faire un tour sur la page Google+. Comme tu parles de Google+, je suis obligé de répondre. Après, je vais laisser un peu de temps à ce que ça continue. Mais c'est marrant ce que tu cites là, parce qu'il y a aussi un courant de plus en plus, enfin, j'ai entendu beaucoup de gens en parler, sur le fait de vouloir faire qu'on puisse publier des échecs. Et qui va un peu à l'encontre de dire on arrête de publier les choses inutiles, mais de pouvoir dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, ce qu'aujourd'hui est totalement impubliable. Exactement, et ça c'est mon rêve, j'adorerais. J'ai tellement de trucs qui n'ont pas marché que je pourrais publier un paquet d'articles. Donc, il faut faire le journal des échecs. C'est ça, et si jamais tu entends parler d'un truc comme ça, tu me dis, parce que je serai le premier à envoyer des papiers, hein, avec plaisir. Après, il va falloir reproduire l'échec, c'est le problème, quoi. Ah non, ça marche bien, ça. Je pourrais te montrer des résultats. Si tu veux. Comment s'appelle la plateforme dont tu parlais, là, qui permet de voir les articles sans la mise en forme? Alors, j'utilise moi deux plateformes différentes, il y en a sûrement plein d'autres, mais il y a Hyperarticle en ligne, donc c'est une plateforme du... Ça sent la plateforme française. Ouais, c'est HAL. C'est la même plateforme qui fait TEL, thèse en ligne, qui permet à tous les doctorants français, francophones ou de partout de mettre son manuscrit de thèse sur Internet. Et tu vois, je ne connaissais pas. Et cette plateforme, elle a été développée par le CNRS, en fait, pour justement rendre accessibles les papiers au plus grand nombre. Donc c'est thèseenligne.fr ? Alors, je pense que ça doit être... Alors, je ne connais pas l'adresse, mais si tu tapes sur Google H-A-L-T-E-L, il y a un espace entre les deux, tu vas tomber dessus. Mais d'accord, c'est Archive Ouverte, en fait, qui fait ça. Oui, ça doit être ça. Okay. Et puis sinon, il y en a une autre qui est américaine, je crois que c'est Cornell qui organise ça, l'université de Cornell, qui s'appelle Archive, donc arxiv.org, si je ne m'abuse. Et ça, c'est aussi pas mal, on trouve pas mal de trucs, surtout en physique, mais bon... La physique, c'est large, donc voilà, il y a pas mal d'articles aussi disponibles, gratuits, et même des fois, avant qu'ils soient publiés, ce qui lance des fois des discussions intéressantes. Et après, c'est la base, mais on rappelle aussi que Google Scholar est un merveilleux outil pour trouver toutes ces sources-là, parce que quand vous tapez le nom d'un article, vous avez autre source, je crois que c'est ça le terme, qui permet de trouver toutes les autres sources, et parfois, il y a des PDF directement téléchargeables. Exactement. Bah, typiquement, Archive et HAL, Hyperarticle en ligne, ils sont en général très bien référencés sur Google Scholar. Et c'est vrai que Google Scholar, quand j'étais en master, ça m'a sauvé la vie parce que j'avais accès à aucun article. Et grâce à ces trucs-là, j'ai pu faire un peu de recherche. Donc, c'était pas mal. Moi, j'ai jamais compris comment on pouvait faire de la recherche avant Google Scholar. C'est un outil qui est incroyable. Mais moi, j'existais pas avant Google Scholar, donc ça va. Ouais, idem pour faire des podcasts de science, avant d'avoir des potes qui ont des accès et qui te les prêtent pour accéder aux articles payants, Google Scholar, ça te sauve la vie, quoi. C'est vraiment génial. Bon, juste pour conclure quand même sur cette histoire de peer reviewing, c'est un mauvais système en fait le peer reviewing? Alors je ne sais pas si c'est un mauvais système, si vous me permettez je vais paraphraser Churchill qui disait « la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé ». Je ne le fais pas en anglais, hein, celle-là je n'ai pas prévu. mais je pense que le peer reviewing, bon, ce n'est pas du tout le système optimal, mais comme pour l'instant on n'a pas trouvé mieux... pour juger de la qualité d'un article avant sa publication, c'est quand même un système qui marche plus ou moins bien, mais c'est quand même un système qui marche, quoi. C'est hyper discutable, hein, ce que tu dis, moi. Je suis volontiers intéressé pour en discuter. Faudra qu'on en discute à l'occasion, mais moi, je trouve que c'est très, très discutable sur le côté c'est le moins mauvais système. Aujourd'hui, c'est un système qui a un monopole incroyable, mais qui fait les preuves de plein de ses faiblesses que tu as citées, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi le fait que le reviewer étant un nombre très limité, c'est que tu as beaucoup de domaines où si tu ne cites pas les reviewers potentiels, tu n'as aucune chance d'être publié, ce qui est très discutable parfois dans certains articles. Ça, c'est qui est très lié au publish and perish. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont très critiquables dans ce système. Alors certes, il n'y en a pas mieux sous le nez, mais c'est aussi, c'est l'œuf et la poule. Hein. C'est parce que tous les scientifiques croient en système qu'on n'a pas mieux à proposer, parce qu'en fait, le principe, c'est surtout qu'il y a une communauté qui ait confiance en un système pour lire les articles. Moi, je suis convaincu que c'est ce que tu disais au départ, c'est un mauvais système. On a des acteurs au milieu qui prennent de l'argent de tous les côtés et pour un travail qui est de plus en plus minimum. C'est-à-dire qu'à l'époque où ils publiaient en papier, c'est discutable. Maintenant qu'ils publient en électronique, qu'on fait toute la mise en page pour eux, le travail est assez limité, quoi. Ouais, bon, on va peut-être pas entrer dans toutes les technicalités, etc. Mais toujours est-il que c'est le système aujourd'hui qui permet de... Tout à fait. C'est le seul système qu'on a aujourd'hui pour moins valider... C'est ça, alors, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des charlatans en science, on arrive assez rapidement à les voir par ce système-là, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, soit par Alter Science, soit dans d'autres domaines. On arrive à voir qu'ils n'ont aucune publication qui est passée en peer reviewing et tout ça. En gros, en général, si on a une découverte qui est vraiment notable, elle arrive à passer. Donc, il y a des choses à la marge, etc. Mais il fait son effet de sélection un peu... Ouais, absolument. Et c'est ce qui nous permet, à nous aujourd'hui, de distinguer une opinion d'un fait qui a été vérifié, discuté, rigoureusement analysé. Pour moi, ça reste quand même un système extraordinaire, même s'il a des failles. C'est vrai, c'est ça. On en a pas mal parlé, mais c'est quand même bien, quoi. Mais je pense qu'en gros, c'est un système qui fonctionne bien, mais qui est un système qui n'a pas encore vécu la révolution numérique qu'ont vécu plein d'autres domaines. Et il serait temps, quoi. Alors, juste si je peux encore un tout petit peu sur le sujet, c'est il y a depuis quelques années, je dirais 5-6 ans, mais je suis pas super sûr de moi, il y a des papiers qui font de l'open review, c'est-à-dire qui vont publier un article en phase de review, c'est-à-dire à savoir s'il va être publié dans le journal ou pas, et tout le monde peut venir critiquer l'article de façon ouverte, alors de façon anonyme ou avec son vrai nom, mais tout le monde peut faire une critique directement online sur le site. Et il y a pas mal de journaux, surtout des journaux en open access qui permettent de faire ça. Et donc comme ça, on voit le journal avant, on voit l'article avant qu'il soit accepté par le journal. On peut suivre toutes les critiques, tous les commentaires et tout le processus de review de façon complètement ouverte. Et puis après, on peut voir la version publiée. Donc ça permet de voir s'il y a un reviewer qui a exagéré en demandant d'être cité 35 fois ou si au contraire, le processus s'est très bien passé, si le papier a été beaucoup amélioré. Parce qu'il y a ça aussi quand même. Le peer review, moi, ça m'est très souvent arrivé que ça m'arrive même quasiment pour tous les articles, les reviewers, ils apportent quand même aussi la qualité du papier en général. Nous, c'est, à notre petite échelle, c'est des retours qu'on a beaucoup sur Podcast Science où quand on fait une sorte de peer review vu qu'on relit les dossiers, on essaie des extérieurs. Et c'est vrai qu'on a rarement eu des retours négatifs, on a surtout eu des merci, ça s'est amélioré la qualité. C'est vrai qu'en regard extérieur, ça améliore forcément la qualité, quoi. Mais après, c'est aussi un des biais pour moi du peer review, c'est qu'une fois qu'il est publié, ça y est, il est dans le marbre. Mais en fait, la plupart du temps, enfin ça dépend des domaines, hein, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout du peer review, on peut rarement reproduire l'expérience, même si l'idéal de la science dit que pour qu'une, quelque chose soit bien scientifique, il faut qu'on ait pu le reproduire. En fait, les reviewers, bien sûr qu'ils ne le reproduisent pas. Enfin, dans ton cas, quand il s'agit de faire pleuvoir de l'eau sur du sable, c'est presque envisageable. Et encore, parce qu'il faudrait un vrai protocole expérimental, ça, c'est pas simple. Ah, mais on a des vrais protocoles. Non, mais pour toi, oui, mais je veux dire pour tes reviewers. Oui, oui, non, non, voilà, mais c'est ça. Il y a des manips qui prennent plusieurs mois. J'ai fait des manips qui ont pris. Enfin, moi, c'était des trucs relativement courts. Ça prenait 3 ou 4 mois à faire. Comme on te demande de faire une review en 30 jours, maintenant, voilà. C'est à peu près le standard. En 30 jours, tu n'as pas le temps de refaire toutes les expériences. Si c'est des codes numériques très compliqués que quelqu'un a fait pendant toute sa thèse en 3 ans, par exemple. Bah, tu as l'exemple, on en avait parlé à l'époque de Pi. Tu vas m'aider, Robin. Le mec qui a fait les décimales de Pi au Palais de la Découverte où personne n'avait vérifié parce que c'était trop long. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'ordinateur n'existait pas encore. Un peu de compassion pour ces gens qui vivaient dans un temps... Enfin, bon, s'éclairer à la bougie, à côté, c'est rien, quoi. Donc, il avait établi effectivement un record des décimales de pi, et personne n'avait vérifié. Il avait calculé 707 décimales de pi à la main. C'est ça, ou... Je sais pas combien de temps il y avait passé, mais c'est démentiel. Et personne n'avait eu le courage de vérifier. Enfin, je veux dire, c'était... Comme le dit, j'ai un collègue qui résume très bien la situation en disant « Vérifier, ben, si c'était juste... » ben son nom allait être oublié à la personne qui allait vérifier parce que c'est l'autre qui était le premier à l'avoir fait, et si c'était faux, ben à la limite c'était douteux son résultat parce qu'il avait autant de chances de s'être planté que le premier, donc tu t'allais perdre des années à potentiellement ne pas du tout avoir ton nom qui reste, ça, ne pas être connu et tout, donc c'est clair c'est la même problématique qu'on a en fait pour n'importe quel résultat scientifique. Le vérifier n'apporte aucune valeur, quoi. C'est-à-dire on va pas rajouter son nom à la publi parce qu'on l'a vérifié, donc c'est pour ça que c'est, même si c'est l'idéal de la science, c'est des choses qui sont peu faites, et c'est là où je crois pas mal à ce que tu dis d'avoir des reviews un peu permanentes de gens qui puissent faire des commentaires, c'est qu'avec le temps, on peut voir venir des erreurs ou des problèmes qu'on n'avait pas réalisés avant et qui peuvent même être de la bonne... Enfin, que le scientifique peut l'avoir fait avec, en toute honnêteté, mais pas s'être rendu compte de ces problèmes-là, quoi. Je pense que c'est une majorité. Je pense pas qu'il y a... Ah oui, je pense que c'est une majorité. Il y a bien sûr des scientifiques, ça reste des humains. Hein. On est tous des humains. Donc, il y en a bien sûr qui sont carrément malhonnêtes ou du moins qui sont poussés à l'être. Mais je pense qu'il y a quand même la majorité des choses qui sont publiées et qui serait pas vérifié, qui serait plutôt un problème expérimental auquel personne a pensé, que personne a pensé à critiquer, ou alors un coup de pas de bol. Le fait est qu'aujourd'hui, quand tu trouves un article, t'as pas à côté de cet article toute la critique contemporaine ou récente qui en a été faite. T'as accès qu'à l'article. Oh, tupe. Bon, allez, j'arrête. on fera un épisode spécial. Ouais, déjà fait un, on va en faire un deuxième. Ouais, c'est ça. Et tu seras invité en tout cas, Damien. D'accord, ça marche. Yep, et puis bah, je propose qu'on en reste là pour l'interview, puis qu'on passe au reste de l'émission que Julie nous a concocté avec amour. Et tu peux participer à n'importe quel moment, bien sûr. Ah ouais, t'interviens quand tu veux. Merci. Bah, Alan, c'est encore un peu à toi, en fait. On parle de l'interview de Nicolas Grandjean. Ah ouais, qu'est-ce que tu me fais bosser quand même ce soir. C'est honteux. Ouais, c'est vrai. Le 7 octobre dernier, on apprenait que le prix Nobel de physique 2014 récompensait une avancée technologique majeure dont nous avions parlé quelques mois auparavant dans le podcast. On peut dire qu'on avait prévu le prix Nobel, faut dire ce qui est. Bah, c'est ça, exactement. Allez, on écoute. This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki at Mayo University, Nagoya, and Nagoya University, Japan, Professor Hiroshi Amano at Nagoya University, Japan, and Professor Judy Nakamura at University of California, Santa Barbara, USA, for the invention of efficient blue light emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources. J'adore cet accent, ça, un petit côté ABBA comme ça un peu. Enfin bon, bref. Johan a eu envie d'en savoir un peu plus, et puis il a suggéré qu'on aille poser la question à Nicolas Grandjean, autorité en la matière, ni une ni deux. Je suis allé lui rendre une petite visite la semaine dernière. On l'écoute. Le prix Nobel de physique 2014 a récompensé la mise au point de la diode électroluminescente bleue, la LED en bon français, dont Nicolas Grandjean, professeur à l'EPFL, était venu nous parler dans l'épisode 157 du podcast début 2014. Je me trouve justement dans son bureau à l'EPFL et il va tenter de nous éclairer sur cette récompense. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, on sait faire des LED depuis 1962, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui exactement ? Alors si tu veux, on savait faire des LED depuis très très longtemps, même c'est au début du XXe siècle que l'on a réussi, Un Russe à l'époque avait vu de la luminescence, donc faire passer du courant à travers un matériau qui émet de la lumière, un peu comme les lucioles, la biophotoluminescence. Donc on peut avoir différents matériaux qui émettent de la lumière. Les scientifiques, au début des années 60, ont commencé à bien contrôler la fabrication des semi-conducteurs, et grâce aussi à la jonction PN, qui a été aussi célébrée par un autre prix Nobel, a permis, si tu veux, d'avoir une diode qui émettait de la lumière. Alors, on l'a fait avec des matériaux à l'époque qui étaient à base d'arsénure de gallium, de phosphure aussi, de gallium. Les longueurs d'onde étaient limitées dans le rouge, voire le jaune. C'est là, tu vois, sur ces appareils électroniques. D'ailleurs, ton micro peut-être en a une. Elle est rouge de mon côté, là. Rouge, mais des fois, tu as ce jaune-vert. Mm-hmm. Et ce jaune-vert, c'est du phosphure de gallium dans lequel on met un peu d'azote qui fait un centre qui va permettre d'émettre de la lumière dans le visible et de façon pas mal, relativement efficace. Mais du coup, on n'avait pas accès aux diodes bleues. Et il a fallu attendre la fin des années 60, début des années 70, pour commencer à avoir avec du carbure de silicium des diodes bleues, qui étaient un bleu-bleu-vert, avec un rendement énergétique très très très mauvais. Là-dessus, à Bell Labs et puis aussi à RCA aux États-Unis, les gens ont travaillé sur le nitrure de gallium. Et là, il y a eu des prémices avec quelques émissions de photons bleus, si je puis dire, mais les performances étaient encore une fois très mauvaises en raison de l'absence de ce fameux dopage P. Donc on arrivait à faire ce qu'on appelle des jonctions, mais avec une efficacité très faible. Des matériaux, donc nitrure de gallium, et ce dopage P avec des semi-conducteurs grand gap, à large bande interdite, qui permet d'avoir accès au bleu. Et même encore plus loin, aujourd'hui, la recherche, c'est vraiment les diodes ultraviolettes. J'en avais un peu parlé. Mmh. Effectivement. Donc, ce breakthrough remonte à la fin des années 80, début des années 90. Alors, c'est ce qui est assez génial dans cette histoire, c'est que dès les années, donc fin des années 60, années 70, et d'ailleurs, mon prédécesseur, professeur Mark Killegames à l'EPFL, venant de Bell Labs, avait travaillé sur ces matériaux. Et d'ailleurs, dans le résumé du prix Nobel, il y a un article où il y a Mark Killegames Dingle, car il avait fait la croissance de ces matériaux dès le début des années 70. Et puis, encore une fois, il y a eu cet obstacle de qualité de matériaux, de dopage P, et tout le monde a arrêté. Sauf peut-être deux ou trois groupes au Japon. L'un qui, au début des années 80, commence à montrer qu'on peut améliorer la qualité, puis surtout l'équipe d'Akazaki avec son étudiant Amano. Amano, d'ailleurs, qui est quelqu'un de très simple, et je crois que ça aussi, c'est une très belle surprise de voir un doctorant associé finalement au Nobel, parce que c'est lui qui a fait vraiment le gros du travail, hein, Amano. D'accord, ouais, mais il est relativement jeune, il a 54 ans aujourd'hui, donc à l'époque, il avait... Oui, il est guère plus âgé que moi, donc effectivement, il est très très jeune. Une chance qu'il ait été jeune et qu'ils soient encore tous vivants, parce que là on est en 2014 quand même, on a mis un moment avant de les raconter. Oui, à Kazaki, je me souviens, à Kazaki en 2000, j'étais à une conférence au Japon, il y avait déjà pas mal de lobby pour que Kazaki ait le prix Nobel. Donc on savait dans la communauté que depuis 10 ans, il pouvait y avoir un prix Nobel pour la lumière blanche. Il fallait simplement peut-être attendre que les LED se généralisent et qu'on ait enfin des performances qui puissent effectivement justifier et valider cette révolution de l'éclairage dont on parle depuis une dizaine d'années aujourd'hui. D'accord. Justement, on se posait la question si la récompense était attendue. Donc c'est des chercheurs extrêmement reconnus dans le domaine. Alors, encore une fois, Akazaki, c'était vraiment le père fondateur des nitrures du GN au Japon et dans le monde avec son étudiant Amano. Et quant à Nakamura, c'est vraiment lui qui, en 93, avec sa première publication qui apparaît en 94, en fait, de la première diode bleue, donc c'est une publication qui est citée plus de 1000 fois, c'est lui. D'ailleurs, si on regarde le nombre de travaux, les travaux, il y a vraiment un seuil laser, il y a vraiment un seuil à partir de 94, date de sa publication. Lors de ton passage dans Podcast Science, tu nous avais indiqué que le monde académique était aujourd'hui le parent pauvre de la recherche dans le domaine, essentiellement drivé par l'industrie. Pourtant, les trois chercheurs récompensés sont des chercheurs universitaires. Alors, deux seulement, Amano et Akazaki. Et là encore, il faut revenir aux années 80, où, si tu veux, la recherche universitaire à cette époque-là, et notamment sur ces matériaux, était très en pointe. À l'époque, il y avait d'autres familles de semi-conducteurs qui étaient étudiées par les grands noms de l'industrie des semi-conducteurs, à savoir Philips, Sony, 3M, pour faire du bleu, et notamment le laser bleu. avec du ZnSC par exemple, donc sulfure de zinc ou sulfure de soufre. Et ces matériaux ont été très vite abandonnés au profit du nitrure de gallium, du GN. Et donc si on revient à ta question de savoir où en étaient les universités et les universitaires à l'époque, ils étaient effectivement bien en avance, car les industriels ne pensaient pas, si tu veux, que ce matériau pouvait un jour donner quoi que ce soit. Et il a fallu donc une petite équipe à Kazaki Amano, dans un milieu universitaire, avec l'intelligence de Nakamura qui, comme il le raconte lui-même, il travaille pour Nichia, une petite société, on regarde ce qu'est Sony et Philips à l'époque. Il va dans une conférence, il y a 500 personnes qui travaillent sur ZNSC, sur les lasers bleus à base de semi-conducteurs de 6, et il y a 10 personnes dans une salle qui travaillent sur le nitrure de gallium, avec comme objectif, encore une fois, de faire de la lumière bleue, laser bleu. Et il se dit, j'ai aucune chance de rivaliser avec les gros, si je veux que ça marche, il faut que je fasse du GN, et en plus, c'est un matériau qui est solide, c'est-à-dire que le jour où ça marche, ça sera fiable, alors que les 2-6, ça marchait, mais ce n'était pas fiable. Et là, il part en Floride pour apprendre la technique de croissance, qu'il modifie. Il modifie la technique de croissance. Il a l'intuition de qui est comment arriver à faire un bon matériau. Et il revient au Japon, il convainc son patron de mettre de l'argent là-dessus et il démarre tout seul dans son coin son activité. Waouh, c'est épatant. Les trois chercheurs récompensés, donc c'est Isamu Akasaki, qui a 85 ans, Hiroshi Amano, qui en a 54, de l'université de Nagoya au Japon, et Suji Nakamura, 60 ans, de l'université de Californie, ne sont pas physiciens, en fait, ils sont chimistes. Alors, ils ont, tous les gens, qui, on va dire, la plupart des chercheurs qui ont développé ces matériaux ont souvent cette double culture de physicien des matériaux, chimiste. La croissance, et notamment la croissance dont on parle, MOCVD, une croissance en phase vapeur aux organométalliques, c'est des réactions chimiques à haute température. Donc souvent, effectivement, les premiers qui ont lancé la croissance de ces semi-conducteurs dans les années 70 ont souvent un background de chimiste. D'accord. Et puis, on fait quoi exactement, les trois, c'est quoi qu'on récompense aujourd'hui? Alors, on récompense vraiment la découverte. En un sens, oui, c'est la découverte de la diode bleue. Là encore, petite histoire, mais souvent une petite histoire aboutit à de grandes découvertes. Il y a une amélioration du matériau, il y a moins de défauts. On savait qu'en mettant du magnésium dans ces couches, a priori, on devait obtenir du type P, mais les couches étaient isolantes, donc il n'y avait pas de conductivité électrique. Et Amano, à un moment donné, prend ces couches, regarde sous microscope à balayage, et sous faisceau d'électrons, il voit apparaître de la luminescence bleue. Et là, il se dit, il se passe quelque chose quand je mets mon échantillon sous le faisceau d'électrons. Et effectivement, il était en train de dissocier l'hydrogène qui était lié au magnésium. En fait, les couches étaient isolantes car l'accepteur qui donne lieu au dopage P était passivé, neutralisé par l'hydrogène. Et grâce à son faisceau d'électrons, sans le savoir, il casse ses liaisons. Et donc, il a le réflexe d'aller étudier ses couches après, on appelle ça en effet Hall, de regarder la conductivité de la couche et il voit que la couche devient conductrice. Et c'est comme ça qu'il publie l'activation du dopage un magnésium sous bombardement d'électrons. Nakamura voit ce papier et se dit, s'il s'agit de casser la liaison magnésium-hydrogène, autant le faire avec de la température. Voilà, donc il prend les couches, il les porte à haute température, sans hydrogène, et il active de cette façon-là, et il publie un papier qui est le recuit thermique des couches pour activer le dopage. Et à partir de là, toute l'histoire commence, et les premières LED ensuite qui vont suivre. Donc c'est encore une formidable histoire de sérendipité au départ. Je crois que ce prix Nobel récompense la persévérance, le fait de ne pas avoir d'idées préconçues. Je me souviens quand j'ai commencé ma thèse, on entendait parler, donc c'était en 91, on entendait parler de ces matériaux, et je me souviens très bien de gens qui disaient « mais ça ne marchera jamais ». Voilà. Et je crois qu'il y a cette capacité, notamment au Japon, de ne pas avoir d'idées préconçues, de pas avoir cette... on a cette réflexion, nous, souvent en Europe, de vouloir comprendre les choses à la base pour aller vers le haut. Eux, ils ont une approche très pragmatique, on fait les expériences, on essaie de corréler, les résultats et on voit ce qui se passe. Ouais. Et une dernière question, est-ce que leurs travaux ont débouché sur autre chose que les LED blanches ? Alors, si tu veux, il y a eu bien sûr le laser bleu, le Blu-ray, hein, mm-hmm. c'est aussi Nakamura. Donc, sa première LED, c'est 93-94. Et très vite, il démontre le premier laser en décembre 95. Et ensuite, très très vite, les choses s'enchaînent et on arrive comme ça au lecteur Blu-ray. Sa boîte Nichia travaillait sur des phosphores, des luminophores, notamment pour l'industrie et les hôpitaux, par exemple, les panneaux d'affichage phosphorescents. Et du coup, très vite, et c'est pour ça qu'il voulait développer du bleu, il met un luminophore jaune sur sa LED bleue pour avoir cette fameuse LED blanche. Donc très vite, les choses s'enchaînent car ils avaient déjà derrière la tête l'idée, effectivement, de faire de la lumière blanche. D'accord. Et le Blu-ray, tu peux juste nous rappeler en deux mots les avantages ? Le Blu-ray, c'est ce laser qui est à 405 nanomètres, qui est fait exactement avec les mêmes matériaux. Hein. C'est simplement une LED bleue avec, si tu veux, une zone active un peu différente pour aller à 405 nanomètres. Avec ensuite, on met des miroirs pour faire un laser. Voilà, donc on a besoin d'un petit guide d'onde, de miroir, et puis on a une cavité qui va être amplificatrice. Et de cette façon-là, on va pouvoir avoir un laser. Mais la base repose exactement sur la même technologie, sur les mêmes matériaux. Après, tu pourrais me poser la question, pourquoi 405 nanomètres ? Exactement. Alors, cela vient, si tu veux, du fait que à cette époque, il y avait un optimum pour la longueur d'onde autour de 400 nanomètres. Si tu raccourcissais la longueur d'onde, tu commences à avoir des problèmes d'absorption dans les optiques en plastique, notamment donc dans les lecteurs DVD. Donc il y avait des contraintes technologiques qui étaient liées à garder une optique plastique. Et puis aussi, les performances des lasers se dégradaient vite quand tu réduisais la longueur d'onde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est lié à des problèmes d'absorption parce que tu te rapproches de la bande interdite du matériau massif GAN. Voilà. Donc il y a des raisons aussi, si tu veux, matériaux derrière. Les autres résultats de ces recherches, c'est qu'aujourd'hui, on est sur les diodes UV. Ça, c'est encore un marché qui va être très important et qui va avoir un impact environnemental important. C'est de remplacer toutes les lampes au mercure par des diodes UV. Bon, pour le traitement de l'eau, les lampes pour tout ce qui est traitement ozone, c'est très énergivore. Si tu mets des LED UV, tu vas gagner énormément d'énergie, comme les LED blanches. Et puis, ça a d'autres effets d'impact très importants, notamment en Afrique ou en Asie, dans certaines régions isolées, où du coup, avec une batterie, une photopile solaire, une batterie, tu pourras purifier l'eau en ligne. J'avais vu, par exemple, une petite démo, je crois que j'en avais parlé aussi, une petite turbine qui alimentait du coup une LED UV et qui purifiait en ligne l'eau. Donc là, c'est aussi, encore une fois, les mêmes matériaux. Ok, formidable. Enfin, juste pour être sûr de comprendre, par rapport à ma question de tout à l'heure, l'avantage du laser bleu. Donc, un laser classique dans un lecteur CD ou DVD, il est rouge, c'est ça ? Il est à 600 de tête, 680 nanomètres. Et en réduisant la longueur d'onde, en fait, tu augmentes la densité d'information, puisque tu vas être limité par la résolution, par la fin de diffraction. Donc, plus tu utilises une longueur d'onde petite, plus tu vas pouvoir coder l'information sur deux. Petits objets, augmenter la densité. Donc tu passes de cette façon-là à 4,7 gigas de tête à un peu plus de 20 gigas sur les disques blancs. Donc c'est vraiment une densification de l'information grâce à la réduction de la longueur d'onde. Ok, c'est super clair. Autre chose à dire à propos de ce prix Nobel ? Je crois que, en tant qu'expérimentaliste ou expérimentateur plutôt, je trouve que ce n'est pas désagréable de se dire qu'il n'y a pas que de la physique des fois un peu éthérée qui est récompensée. Encore une fois, je crois que la physique balaye plein de domaines et il faut se réjouir de voir des prix Nobel pour le rayonnement fossile, pour le boson de Higgs et pour les LED blanches. Bah, félicitations à chacun d'entre vous, j'imagine que un peu de cette gloire rejaillit sur tous les acteurs du domaine. En tout cas, j'ai envie de le croire. Merci beaucoup, Nicolas Grandjean. Merci. À très bientôt. Voilà. Sur ce, moi, je trouve que j'ai assez travaillé pour un moment. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Tu fous vraiment rien. Ouais. Merci, Alan. Merci beaucoup, Alan. Ouais. Puis merci à Joanne pour l'idée. Et on invite tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter l'épisode de Nicolas Grandjean qui était aussi exceptionnel sur les LED. Ouais. Et il y a aussi la retranscription qui est disponible. Et la retranscription qui est disponible pour ceux qui préfèrent lire. Faites par qui, par toi ? Oui, je crois, oui. Ben voilà, donc elle est ça merveilleuse. Robin, c'est à toi. Tu... Je vous décris un peu la scène avant que Robin commence. Donc Robin est venu chez moi, il n'a pas apporté l'ordinateur. Par contre, il a un carnet écrit à la main et une feuille à moitié froissée écrite à la main aussi, avec des dessins bizarres dessus pour nous faire sa rubrique. Je vois pas où est le problème. Et au moins, il pourrait rappeler le conducteur. En tout cas, il aura de la batterie, quoi. Je pourrais pas le conducteur ce soir et j'aurai de la batterie. Mais donc la retranscription, si on le met sur le site, son dossier, ce sera peut-être une version scannée en fait de ses notes. Chiche. Ce serait drôle. Ouais. Alors le ratage de ce soir n'est qu'un ratage parmi tant d'autres, mais un très très très beau ratage. C'est un ratage à propos d'une question qui est posée depuis très longtemps, la Terre, les étoiles, les planètes, le Soleil, tout ça, comment ça marche ? Alors bien sûr, il y a le premier ratage des premières théories où on met la Terre au centre et puis les planètes et le Soleil qui tournent autour, en cercle, tout ça. Faut dire que c'est assez naturel de penser à ça, puisque quand même, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'on peut imaginer de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus beau, le cercle, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus beau, tout ça. Et on peut se moquer des anciens, mais enfin, encore aujourd'hui, c'est un des critères de la science de dire si c'est simple, si c'est beau, ça a plus de chances d'être vrai que si c'est moche et compliqué. Et il se trouve que, bon, le temps est passé, les observations se sont affinées, et on s'est rendu compte, comme dit l'autre, que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que visiblement, le coup de la Terre au milieu et de tout qui tourne en cercle, ça marche pas très bien. Donc oui, il y a le... Alors bon, je vais pas du tout faire l'histoire de ça, mais enfin, il y a les planètes qui retournent en arrière, tout ça, sur leur trajectoire, il y a des trucs bizarres, donc bon, on change un petit peu d'idée, et quelques siècles plus tard, il y a des gens qui changent le modèle. Par exemple, il y a des gens, alors comme Tycho Brahe, je trouve cette solution assez jolie, de dire on garde la Terre au milieu, mais on garde le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais par contre les planètes, au lieu de tourner autour de la Terre, les autres planètes tournent autour du Soleil. Il n'y a que la Terre qui est au milieu, les autres planètes tournent autour du Soleil. Ce qui est quand même un côté, non, je veux pas lâcher la Terre au milieu. Et puis il y a évidemment, sinon, des gens comme Copernic qui disent que non, faut mettre le Soleil au milieu et que ça sera bien plus simple comme ça. À cette époque-là, il y a Kepler qui arrive. Alors, ce qui est gênant quand on commence à dire que c'est pas la Terre qui est au milieu, quand on croit en Dieu, c'est que du coup, la Terre est pas au milieu, alors que la Terre, c'est là qu'il y a l'homme, et l'homme, c'est Dieu qui l'a créé, et si Dieu a créé l'homme, c'est pas pour rien. Et s'il a créé l'homme, c'était ce qu'il a fait de plus important, et donc forcément, l'homme est au milieu, s'il n'est pas au milieu, c'est quand même compliqué. Alors Kepler était élevé, il a fait des études, on lui a enseigné l'héliocentrisme, et de façon un peu cachée, parce que c'était pas encore complètement mainstream, quoi, on pourrait dire, mais voilà, il a trouvé ça très intéressant, et il soutient l'héliocentrisme. Donc comment résoudre ce problème de, bon, globalement ça a l'air d'être plus crédible que le Soleil soit au milieu, mais en même temps... Dieu n'a pas pu faire quelque chose de moche, quoi. Je veux dire, il a forcément mis de l'harmonie dans ce qu'il a fait. Donc, dire la Terre, c'est juste un petit morceau de machin qui se balade au milieu de rien et l'homme est dessus, bon, c'est pas très satisfaisant. Donc Kepler s'interroge. Alors, la Terre n'est qu'une planète parmi les autres, d'accord. Parce qu'il existe d'autres planètes. À l'époque, on connaît d'autres planètes. On connaît Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ça fait donc 6 planètes en tout. Alors il réfléchit, 6 planètes, alors évidemment ce que je vais faire actuellement est une reconstitution parfaitement fausse de ce qu'a dû se passer dans sa tête, mais juste histoire de donner un peu une idée, je trouve ça rigolo d'imaginer, je sais pas, il a peut-être pensé, mais la Trinité ça marche pas, c'est pas 6, les 7 ou 8 jours de la semaine suivant qu'on compte le jour où Dieu s'est reposé, c'est pareil, ça marche pas, c'est pas 6, et par contre, il existe exactement 5 polyèdres réguliers. Alors les polyèdres réguliers, je rappelle, je parle d'astronomie, c'est pas ma faute si lui a mis des maths dedans. Les polyèdres réguliers, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des objets sur lesquels on tombe très rapidement quand on s'intéresse aux polyèdres. En gros, on cherche les polyèdres dont toutes les faces sont identiques et tous les sommets sont identiques. Un polyèdre, c'est un volume qui est donc délimité par des faces qui sont des polygones, par des faces planes. Donc le polyèdre que tout le monde connaît, c'est le cube. D'autres polyèdres qu'on connaît généralement, c'est les pyramides. Il y a différentes pyramides. Une pyramide d'Égypte, par exemple, c'est pas un polyèdre régulier puisqu'il y a des faces qui sont des triangles et puis la face au sol, c'est un carré. On a mélangé des triangles et des carrés, c'est pas du tout un polyèdre régulier. Et les polyèdres réguliers, ce qui est bien, c'est que toutes les faces sont les mêmes, tous les sommets sont les mêmes, c'est-à-dire sont faits avec le même nombre de faces. Donc c'est ce qu'on peut trouver de plus régulier, à part la sphère. Bon, la sphère, c'est ce qu'il y a de plus classe. Et, oui, je ne vais pas parler de ça. Non, Nico me fait des remarques, mais je ne céderai pas. Je ne raconterai pas plus de maths que ça, mais disons que c'est des objets. Par exemple, tous les sommets d'un polyèdre régulier viennent naturellement sur une sphère, tout ça. Tous les sommets sont les mêmes, ce qui veut dire que quand on tourne cet objet, il a toujours la même tête, il se ressemble toujours. Il y a une régularité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, les polyèdres réguliers, c'est connu depuis l'Antiquité. Alors, il y en a 5 seulement. Ça, je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais on sait qu'il n'y en a que 5 des polyèdres qui respectent ces règles-là. Là, il y a le tétraèdre, qui est donc une pyramide, mais à base triangulaire. C'est fait avec 4 triangles équilatéraux. Il y a l'octaèdre régulier, qui est fait avec 8 triangles équilatéraux. Il y a le cube, bien sûr, qui est fait avec que des carrés. Il y a l'icosaèdre, qui est fait avec 20 faces triangulaires, et il y a le dodécaèdre, qui est fait avec 12 faces, qui sont des pentagones réguliers. Donc voilà, il y a 5 polyèdres réguliers. Alors oui, bon, 5 polyèdres et 6 planètes, a priori, ça paraît pas génial, sauf que n'oubliez pas, intervalle poteau, 5 et 6, si les polyèdres réguliers viennent entre les planètes, tout va bien, 6 planètes, 5 polyèdres, ça peut coller. Alors, du coup, Kepler réfléchit, il calcule, il tente des trucs, et il finit par trouver. Alors attention, j'essaye de vous expliquer ce qu'il trouve, parce que faut reconnaître que quand il a trouvé ça, il devait être super, super content. Les planètes se déplacent sur des cercles. Bon, il se rend compte assez rapidement que c'est pas des cercles. Il est au courant, c'est pas des cercles, ça ressemble plutôt à des ellipses, c'est des choses, c'est pas complètement circulaire. Bon, donc il prend des gros cercles. Voilà, ça n'existe pas mathématiquement, mais bon, disons des anneaux, hein. Des anneaux dont les planètes ne sortent pas, quoi. Qui prennent en compte la distance la plus proche au Soleil et la distance la plus éloignée au Soleil. Donc, elle se déplace là-dessus. Si on prend ça en 3D, si on prend un cercle, on a une sphère qui correspond. C'est comme si on avait l'équateur et on prend la sphère qui correspond, qui est la Terre. Là, on a un anneau, donc on a une espèce de sphère un peu épaisse. Alors là, je ne connais pas de terme technique pour parler de ça, qui correspond à chaque planète. Donc, les planètes centrées sur le Soleil, chacune se déplace sur une espèce de grosse sphère un petit peu épaisse, et ces sphères-là s'imbriquent les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et le truc qu'il trouve, c'est que entre deux sphères, entre ces 6 sphères, on peut placer parfaitement les 5 polyèdres réguliers. Je m'explique. On prend la grosse sphère qui correspond à Saturne, qui est la planète la plus distante qu'on connaît, on croit que c'est la dernière. On prend donc la sphère de Saturne. On fait rentrer dans cette sphère le plus grand cube possible. À l'intérieur de ce cube, on met la plus grande sphère possible, qui ne sort pas de ce cube. Et boum, on tombe exactement sur la sphère de Jupiter. On recommence, on prend cette sphère de Jupiter, et à l'intérieur, on ne fait pas rentrer un cube, parce que si on fait rentrer un tétraèdre régulier, donc une pyramide à base triangulaire, la plus grande possible. À l'intérieur de ce tétraèdre, on fait rentrer la plus grande sphère possible. Boum, c'est la sphère qui correspond à... Alors attendez que je m'en mêle les pinceaux. À Mars. Et puis ensuite, dans Mars, on fait rentrer un dodécaèdre le plus grand possible. Dans le dodécaèdre, on fait rentrer la plus grande sphère possible. C'est la sphère qui correspond à la Terre. Dans la sphère de la Terre, on fait rentrer l'icosaèdre le plus grand possible. À l'intérieur de l'icosaèdre, on fait rentrer la sphère la plus grande possible. C'est la sphère qui correspond à Vénus. Dans cette sphère, on fait rentrer l'octaèdre le plus grand possible. Dans cet octaèdre, on fait rentrer la plus grande sphère possible. C'est la sphère de Mercure. J'espère que c'est relativement clair. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est merveilleux puisque tout est redevenu harmonieux, merveilleux, parfait, etc. Puisque les trajectoires de ces 6 planètes sont parfaitement cohérentes avec les 5 polyèdres réguliers. On sait qu'il n'y en a que 5. C'est quand même formidable. Donc là, on a retrouvé une harmonie. Pythagore avait raison, quoi. Ouais, voilà. Pythagore a raison, Dieu existe, on est tranquille parce qu'il a fait les choses super bien. Donc, tout est parfait. À nouveau, tout est parfait, on est sauvé. Ton dossier s'arrête là, quoi. Et mon dossier s'arrête là parce que, alors évidemment, ça marche pas, hein. Donc il faut juste que je termine en disant que, bah évidemment, ça marche pas. Le Kepler va s'en rendre compte assez rapidement. J'ai perdu la fin de mes notes. Kepler va s'en rendre compte assez rapidement. Bien sûr, sur des feuilles déjà écrites, sinon ce serait pas drôle. Ouais. Non, mais j'arrive. Il va s'en rendre compte assez vite, notamment à cause de Mars, qui a une trajectoire qui est parfaitement incompatible en fait avec ça. Il pensait que ça fonctionnait, puis ça fonctionne pas. Bon, ce que je trouve assez joli dans cette histoire et plein de d'enseignements, disons, c'est que voilà, on recherche l'harmonie, on recherche la simplicité. Pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, il y en a qui cherchent ça pour avoir les théories les plus simples possibles, il y en a qui cherchent ça pour avoir de l'harmonie et pour dire que c'est bien Dieu qui gère tout. Et puis, ben, des fois, ça marche pas. Voilà. Et donc, bah, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu plein d'autres théories qui ont été faites avant d'en trouver une qui soit à peu près cohérente. Ce qui est rigolo quand même au passage, juste si c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que Kepler, avec ses arguments, qui sont donc notamment cet argument, il est quand même complètement faux, argumente en faveur de l'héliocentrisme qui n'était absolument pas acquis à l'époque. Et donc il donne des arguments faux pour une théorie qui a priori est plutôt la bonne, qui est le fait que le Soleil soit au milieu, ce que je trouve quand même assez sympa. Moi, cette théorie me paraissait pas mal. Cette théorie était superbe. Et d'ailleurs, il avait fait fabriquer un modèle avec tous ses polyèdres imbriqués l'un dans l'autre. Et totalement, il trouvait ça beau. Il voulait le donner à des gens puissants, à des gens influents, etc. Il a écrit ça dans un livre qu'il a publié, qu'il a envoyé à Tycho Brahe, qu'il a envoyé à Galilée, qu'il a envoyé à plein de gens pour essayer de se faire connaître. Ça a marché, il s'est fait connaître. Il a réussi à rencontrer certains et tout. Mais en fait, ça marchait pas. Ok. Bon, bah, c'était le fail de la semaine, quoi. Il y a LJ qui vient de mettre la représentation dans la chatroom. Ah bah parfait, je voulais la mettre et puis comme j'ai pas d'ordinateur... C'est très beau, ouais. C'est très très beau, hein. On a envie que ça marche, ah oui, franchement. Putain, il l'a dessiné, j'avais pas vu, c'est quasiment la même qu'LJJ, mais dessiné façon Robin. Je vais essayer de vous prendre une photo pendant qu'on parle de la suite. Ouais, vas-y, on veut voir la photo. Je vais prendre une photo pendant que vous parlez de la suite. Ok, donc on enchaîne avec le blog audio. Ok, bon, on y va, là, on l'écoute. Keyword Rocks, Homo sapiens et Flutio Hero, par Pierre Carnier sur le blog Strange Stuff and Funky Things. Imaginez-vous avec trois de vos potes, il y a 35 000 ans, dans une cave du fin fond de l'Allemagne, connue sous le nom de Hallfels de nos jours, mais très certainement Grump, il y a 35 000 ans. Vous venez de vous taper un bon gros steak de mammouth, dehors il fait super froid et la neige tombe dru, il n'y a rien sur Canal Paléo pour voir du porno full sculpté, bref, c'est la loose. L'idéal pour vous et vos amis serait de lutter contre l'ennui avec de la musique, rien de tel qu'un petit paléo-héros. Quels auraient donc été les instruments à votre disposition pour se taper un petit bœuf entre potes? Les plus évidents, et donc au final les plus difficiles à dater, sont le chant et la percussion. Vous imaginez bien par contre que les deux amis restants ne pourront pas entamer des solos endiablés de guitare avant un bon bout de temps. Sachez par contre que les plus anciens artefacts pour faire gueuler vos voisins de cave à 3h du mat étaient d'humbles flûtes. Waouh! Tout de suite, la rock attitude de l'homme des cavernes en prend un coup. Mais bon, avant de se foutre de sa gueule, voyons un peu la qualité de l'instrument et ce que cela implique en termes de l'artisanat. Les plus vieilles flûtes de l'humanité ont été découvertes par l'équipe de Nicolas Connard. Ouais, je sais, on choisit pas son nom. De l'université de Tübingen. En 2008, les excavations effectuées sur le site d'Hallfels, situé à 20 km d'Ulm, ont permis d'assembler trois flûtes vieilles de 35 000 ans. Une en os et deux autres en ivoire, de mammouth. Parlons d'abord de la flûte en os. L'équipe de Connard, je m'en lasse pas, a retrouvé 12 fragments qu'ils ont recollés pour reconstruire un instrument de 8 mm de diamètre, 22 cm de long et garni de 5 jolis trous circulaires. Enfin, l'os utilisé est un cubitus de vautour fauve ou ulna de gyps fulvus quand on a la classe. Comme quoi, après un bon ragoût de vautour, faut pas jeter les os. L'instrument porte aussi les marques de sa fabrication. En effet, autour des 4 premiers trous, on peut détecter des stries qui, selon les paléontologues à l'origine de la découverte, pourraient témoigner des mesures effectuées avant de perforer les trous à l'aide d'un caillou bien affûté. Un caillou plaqué d'équerre, quoi. Les extrémités ont ensuite été taillées en V pour faciliter la soufflitude dans l'instrument. Et c'est un mot si je veux. Du côté ivoire de mammouth, c'est moins impressionnant au premier coup d'œil. Seuls quelques fragments ont été récupérés et donc pas assez pour reconstituer un instrument en entier. Si on peut déplorer ce manque de pièces, celle que nous possédons nous permet déjà de nous extasier sur l'ingéniosité de l'industrie dont nous étions capables il y a 35 000 ans. En effet, un os de vautour a l'avantage, une fois évité de sa moelle, d'être déjà creux. Ce n'est pas le cas d'une défense de mammouth. Passons sur le fait qu'il faille d'abord tuer à main nue un pachyderme laineux d'environ 8 tonnes, ou à l'opinel si on est une chochotte. Il faut ensuite sculpter approximativement la forme de l'instrument, couper en deux, creuser l'intérieur, puis recoller les deux morceaux à l'aide d'un adhésif ne laissant pas s'échapper l'air. Quelle aventure pour jouer du pipeau! Quand j'ai dit plus tôt que le professeur Connard avait découvert les plus vieilles flûtes de l'humanité, je voulais dire les plus vieilles flûtes construites par Homo sapiens. Mais qu'en est-il de l'homme de Néandertal? Eh bien, il est fort possible que le bougre ait également inventé ses propres flûtes. Mieux, il en aurait façonné avant Homo sapiens, puisque les os utilisés sont vieux de 43 000 ans. Le problème, c'est qu'il y a une controverse autour de l'interprétation de la construction de la seule relique découverte, la potentielle flûte de Divjbeb. Cet artefact, provenant d'un fémur juvénile d'ours des cavernes, a été découvert en 1995 par Ivan Turk dans le site slovénien de Divjbeb. Les auteurs ont daté l'instrument et déterminé qu'il est vieux de 43 000 ans, époque à laquelle les hommes de Néandertal régnaient dans ces lieux. L'os est percé de 4 trous circulaires, mais porte également les marques d'un mâchouillage en bonne et due forme sur chaque extrémité, ainsi que des traces de moelle osseuse séchée tapissant l'intérieur de l'os. Du coup, on se demande si les trous ne sont pas les traces d'une morsure de carnivore, ce qui expliquerait notamment pourquoi la moelle osseuse n'a pas été complètement évidée. Bref, même si cela ressemble vraiment beaucoup à une flûte, la controverse autour de cette découverte fait que, par prudence, il vaudrait mieux attendre de découvrir un second artefact néandertalien pour confirmer définitivement que nos plus proches parents savaient déjà bien faire la teuf avant nous. Si ça se trouve, on leur a même piqué l'idée. Pour étayer l'hypothèse qu'il s'agisse bien d'une flûte, Jael Atema est allé jusqu'à sculpter sa propre réplique de la flûte de Dijbab à partir d'un os fossile d'ours des cavernes vieux de 50 000 ans. Quand il s'est mis à souffler dans le bidule, voici ce que l'on a pu entendre. J'imagine maintenant que vous vous demandez à quoi ressemblait le son de nos plus vieilles flûtes à nous. Malheureusement, la flûte en os de vautour n'a pas encore été dupliquée et les fragments de flûte d'ivoire sont trop parcellaires pour espérer en tirer quoi que ce soit. Par contre, il existe d'autres flûtes, certes plus récentes, mais dont on a réalisé des copies pour en tirer un son. Elles proviennent d'un site en Allemagne à quelques kilomètres de celui d'Olfels. Datant d'il y a 30 000 ans, c'est plusieurs flûtes d'ivoire encore de mammouth et une flûte de radius de cygne qui ont été découvertes. La flûte de mammouth est un collage de près de 31 fragments. Quant à la flûte de cygne, elle a permis de construire une réplique qui a été jouée lors d'une séance mythique de Flutio Hero devant les micros et caméras de la Terre entière. Oh la teon ! S'il croit pouvoir pulvériser son score à Flutio Hero, le pauvre ! Mais au final, pourquoi penser que les premiers sons de flûte d'Homo sapiens aient été si conventionnels ? Bah, moi, je m'imagine très bien entendre les premiers slaves des lèvres talentueuses du précurseur de Nathan Flute Boxley. Maintenant, la prochaine fois que vous rencontrerez les hordes de collégiens massacrant l'ode à la joie sur leur flutio de plastique, dites-vous bien qu'il s'agit là d'une coutume ancestrale et que ces sons inhumains résonnant dans notre environnement urbain correspondent très certainement à l'apanage de ceux qui envoûtaient nos premiers logis cavernicoles. Vous venez d'entendre Cave Art Rocks, Homo sapiens et Flutio Hero, publié par Pierre Carner sur saft.com, en février 2011 et interprété par Julie en novembre 2014. Bon ben c'était un super truc, moi j'adore les instruments de musique d'une autre époque quoi. Puis les articles de Pierre sont merveilleux, même lus sont tout aussi exceptionnels quoi. Ah ouais, celui-là ouais, il était vraiment... Et super bien lu en plus, bravo Julie. Merci. Alors moi j'ai proposé dans la chatroom là, d'offrir un t-shirt au premier ou à la première qui trouverait le premier thème qu'on a entendu dans le billet. Personne n'a trouvé, je suis épaté du coup. Sans déconner. Ouais, je remets un t-shirt en jeu, toi apparemment tu sais alors tu te tais. On remet un t-shirt en jeu pour le premier auditeur ou la première auditrice qui trouvera via l'écoute en podcast. Mm-hmm. Et puis pendant le blog audio on a eu la magnifique photo de des notes de Robin. Ouais, c'est... Pour ceux qui écoutent en différé, on vous invite vraiment à aller voir les images de l'émission, ça vaut le coup. Ouais, on a même reçu un message de Champollion. Dans la... Et donc oui, je confirme, c'est écrit dans deux sens en même temps, mais c'est pas grave a priori. Bah, tant que j'arrive bien... à me relire, je vois pas le... C'était bien le papier que lisait Robin. C'est ça. C'est, pas... c'est la seule chose qu'il a sous les yeux. Robin, bah, c'est vraiment encore, une machine. Et encore, j'ai écrit quelque chose. Je pense qu'on peut publier ça à la place de la retranscription, non ? Donc on va faire un retour rapide sur les émissions précédentes et on va commencer par le premier épisode de la saison. Donc c'était sur les hormones avec un message de Michael. Ouais, alors c'est Michael Tournier qui disait « Merci Irène pour ce podcast, j'ai adoré, je me retrouve dans mon domaine et merci d'avoir fait un rappel sur les hormones et les perturbateurs endocriniens dans les os. Quand j'en parle, c'est mon précédent métier, j'ai toujours du mal à me faire comprendre. » Donc c'est un dossier qui avait suscité pas mal de réactions. Et on vous signale aussi qu'on a reçu un long message de Gaudry, je ne sais pas comment on le prononce, très intéressant. Donc il est pharmacien et il revient sur les différentes pilules et surtout comment fonctionnent les autorisations de mise sur le marché. Alors le message est un peu long et à lire ici, ce serait pas très pratique. Mais si ça vous intéresse, allez faire un tour sur... Alors c'est sur les commentaires du dossier écrit. Puis on mettra les notes, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Mais c'était vraiment très très intéressant. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en tout cas en France, c'est bien renseigné. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais je sais que tu ne mets pas ce que tu veux sur le marché. Enfin, à moins que ce soit un médicament entre guillemets homéopathique ou des conneries comme ça. Pas un médicament, donc. Très fort, quoi. Exactement, c'est pas un médicament, même si c'est marqué médicament dessus. Ouais. Donc, il y a quand même des petits problèmes au niveau de la réglementation. Et l'homéopathie, c'est comme chez nous, c'est des petites pastilles blanches dans des gros tubes bleus Pas forcément. C'est parfois dans les petits tubes oranges qui viennent de chez vous aussi, qui sont vendus scandaleusement cher et c'est juste du sucre. Ah, j'ai jamais vu, parce que chez nous, c'est toujours bleu avec des petites sucres. Non, il y a plusieurs couleurs. Enfin, je sais pas, j'en vois rarement, mais c'est les tubes que tu dévisses, non? Ouais, moi je me souviens de ça, que j'en ai pris à une époque jeune où je savais pas encore que ça servait à rien. C'est ça, quand on t'en donnait. Mais c'était bon. Depuis tu manges du sucre. C'était ton médicament préféré, bah ouais, bien sûr. Non, il y avait le sirop contre la toux aussi. C'est vrai. Parce qu'il avait goût d'orange. Et l'antibiotique contre l'angine qui a un goût de banane. On va pas faire tout de même. Par contre, le smecta c'est pas top. Ah, j'adore le smecta. Tu dis pas du mal du smecta. Julie, je t'en supplie, enchaîne. On enchaîne avec l'émission sur les bitcoins. Alors, on a reçu un message d'Ogren qui devait nous être lu par Irène, donc je vais m'y coller. Je connaissais aussi assez bien le bitcoin de par plusieurs présentations, podcast Monnaie Libre, podcast Parole de Tux, quelques lectures. Tu as bien résumé et surtout, j'ai bien aimé le recul que tu as pris. Tes avis sont clairement posés comme des avis et laissent les positeurs se faire leur propre idée sur le sujet. Merci Nico. Bah, c'est cool. On va revenir aussi un peu sur la cristallographie. On a reçu un message de, je vous le dirai plus tard. De quelqu'un. Salut à vous tous, un petit mot d'encouragement. Merci de nous produire de semaine en semaine des dossiers toujours aussi intéressants. Vos sujets stimulent notre créativité. C'est d'ailleurs un de vos dossiers qui nous a inspiré une application qui est en train de se traduire en start-up. Je ne peux vous écouter en live d'ici, UTC-5, mais c'est un rendez-vous hebdomadaire avec la balado-diffusion. Lors de votre dernière émission sur la cristallographie, j'ai bien aimé prendre connaissance du pavage de Penrose. Il écrit Penrose, mais c'est Penrose, hein, c'est ça. Le rappel du nombre de Fibonacci sur le poster m'a fait sourire. Effectivement, pour les amants du design et des proportions naturelles, le pavage de Penrose est une suite logique. De toute façon, les maths sont le langage de nature. Aussi, je crois que Julie a parlé de fractales. Ce serait un sujet intéressant à aborder, particulièrement qu'ils sont utilisés dans la conception d'antennes de portables, systèmes de diagnostics médicaux et une panoplie de domaines, etc. Merci. Bah, les fractales, moi, c'est quelque chose dont je prévois de parler à un de ces quatre quand j'aurai lu des bouquins dessus. Voilà. Ah, les fractales, c'est évidemment un bon sujet. Après, c'est à peu près aussi visuel que la cristallo. Exactement. Mais... On fait les. Faire des fractales sonores. Puis, ça fait pas longtemps que j'y pense. Pourquoi les fractales, c'est important qu'on en parle. C'est qu'on fait les malins là, avec Robin et autres. Et puis des LJJ aussi, quand ils passent à dire les maths, c'est parfait, c'est propre et tout ça. Et les fractales, il a pris dans le gras le moche pour en faire une théorie mathématique. Ouais, à la base c'était des monstres, ouais. C'est ça qui est sympa. Donc il y a un côté sympa à dire, je prends quelque chose de dégueu, j'essaie pas de dire une montagne c'est un triangle, j'essaie de dire une montagne c'est un truc qui est moche et irrégulier et voilà. C'est le constat que le monde est fait beaucoup plus d'objets complètement monstrueux que d'objets simples. Voilà, donc on va en parler un jour. Très bien. On en parlera dans ce millénaire. C'était un message de Martin, alias Dada. Et c'était Irène qui avait parlé des fractales, c'était pas moi. Voilà. Ouais. Juste une petite précision. Je me rappelle, effectivement, je peux témoigner. Donc, c'était pas lié à la cristallographie, mais c'est un sujet intéressant quand même. Donc, c'était pas la personne qu'on pensait, ça n'avait rien à voir avec le dossier, mais c'était intéressant. Exactement. Ça allait bien à cet endroit-là du retour sur les émissions précédentes, Nico, c'est tout. On termine avec un message audio de Guillaume sur le dossier de Johan sur Voyager. Salut à l'équipe de Podcast Science, c'est Guillaume de Nip Life et Tech Café. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de faire mon footing en écoutant votre épisode 189 sur Voyager. C'était un des épisodes, à mon sens, les plus passionnants que vous ayez fait. Un grand bravo pour le dossier. J'ai trouvé ça absolument génial. Ça me rappelle des premiers épisodes de Podcast Science que j'avais écouté qui parlaient de la conquête spatiale, de tout ce qui tourne autour de la physique dans l'espace. J'ai trouvé ça absolument captivant, alors probablement parce que le sujet m'intéresse, mais aussi parce qu'il était sacrément bien traité. Continuer comme ça, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Ouais, alors je plus sois totalement. Bravo Johan, c'était vraiment super cool. J'ai adoré, c'était un moment d'évasion, c'était juste super. En revanche, vous avez entendu le petit chaton mourir ou pas ? Ouais, on a entendu un truc bizarre là, ouais. Mais je plus sois aussi. Surtout qu'il nous a permis de découvrir un livre qui n'existe pas en électronique, donc on ne lira jamais. Tu pouvais pas t'abstenir. Ah ouais, non, à partir de tes 30 ans, t'arrêtes de râler. Aigri. Sujet, c'est ça. T'en profites vite. C'est ça. Damien, tu as entendu cet épisode ? Ouais, je l'ai entendu. J'étais dans les aéroports en train de me balader, complètement en voyage. Et j'ai Voyager encore plus que ce que j'avais prévu. Mais moi, Voyager, c'est ce que je disais à Johan. Enfin, j'ai vu, une fois, je suis tombé sur un documentaire sur la télé, j'ai pas réussi à décrocher tellement c'est un projet de malade mental, ce truc-là, quoi. Et Robin fait une tête du genre, ne me posez pas de questions, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. je sais pas, j'ai pas écouté, j'avoue. Je sais pas ce que c'est. Si, oh, ça va. Bon, allez, on posera pas de questions à Robin, on n'a pas le temps. Alors, on va enchaîner avec des messages divers qu'on a reçus sur... plein de plateformes différentes. On a reçu un message de Martin. Alors c'est un autre Martin, c'est Martin Sinking hein, sur Google+. Bon, je pensais aller voir sur podcastscience.fm/livre pour ajouter un ou deux bouquins à ma liste d'envies en prévision de demandes de Noël, mais ils ont exagéré là. Il y en a trop. Je commence par quoi ? Sachant que je suis plus branché espace, physique, maths, et que je ne suis pas un silencieux, donc on va se limiter à la vulgarisation. Et je sais lire en anglais a priori, sauf si le niveau de langue est hyper ardu. Alors Nico, t'as, en parlant de livres, t'as une nouvelle liste à nous proposer ? Alors ouais, j'ai travaillé un peu, ça m'arrive. On a créé un groupe Podcast Science sur Goodreads. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Goodreads, c'est une sorte de réseau social sur les livres, donc une sorte de Facebook, mais dédié aux livres. Du coup, c'est assez intéressant parce que bah, déjà, quand vous suivez des gens, vous pouvez déjà commencer à nous suivre. Il y a Pascal qui est sur Goodreads, il y a David Loureiro et Lisez la Science qui ont deux comptes. Il y a Alan qui a un nombre de livres aberrant sur lequel il est sur Goodreads. Il y a Julie. Et vous pouvez suivre donc, ce que lisent les gens et avoir des informations. Et puis, sur le groupe Podcast Science, j'ai rapporté tous les bouquins qui étaient dans la liste de lecture dont on doit parler Martin, qui était un truc un peu austère. C'est pas beaucoup moins austère, mais déjà c'est mieux référencé. Vous pouvez avoir des commentaires d'autres personnes sur les bouquins. J'ai essayé de rapporter les commentaires qu'avait fait principalement Alan sur les bouquins déjà présents. Mais surtout le groupe, bah, y a moyen de l'animer, un peu comme un groupe Google Plus ou quoi. Donc si t'as la question que t'as posée là, il y a possibilité de la poser sur le groupe. Alors pour l'instant, on n'est pas énormément sur le groupe, mais moi je suis et il y aura moyen d'y répondre et de donner des conseils. Et donc voilà, si vous avez envie de suivre un peu les lectures, comme on lit pas mal, tous un peu, viendez sur le groupe Goodreads de Podcast Science. Alors, c'est pas la panacée, l'interface de Goodreads est assez pourrie, il faut dire ce qui est, mais le fait est que c'est... Voilà, surtout pour les groupes, mais le fait est que ça fait partie des choses les plus pratique dans ce qui existe dans le domaine, donc on fait avec quoi. Un peu comme la citation de Churchill tout à l'heure, c'est tout pourri, mais c'est mieux que ce qu'on a pu trouver avant quoi. On va essayer de ranger par étagère justement les bouquins de maths sur l'espace. C'est ça. C'est-à-dire pour l'instant, j'ai rangé par étagère qui avait proposé les bouquins. Moi, j'ai et on va essayer de ranger par épisode aussi au fur et à mesure les bouquins oui. quoi. Tout à fait. Donc voilà, ça va vivre, on va essayer de faire vivre un peu ce groupe, quoi. Mais globalement, on est tous sur Goodreads, enfin, parmi Podcastions, on est pas mal à être sur Goodreads et à indiquer ce qu'on est en train de lire et suivre les lectures, il n'y a pas que de la science. Et donc n'hésitez pas à nous rajouter en amis, etc. C'est une communauté qui est assez sympa, enfin, où on découvre pas mal de choses. Et puis pour les livres, bien sûr, vous pouvez vous référer à Lisez la Science sur des livres particuliers, mais je pense que vous pouvez aussi contacter David Loureiro et lui poser des questions s'il y a un thème qui vous intéresse en particulier. Moi, je lui avais demandé pour la physique quantique, il m'avait répondu, il m'avait donné une liste de bouquins intéressants, et je pense que s'il a l'occasion, il vous donnera de bonnes références. Et puis, il faut dire ce qui est, le livre de ce Noël, c'est quand même Vous avez dit maths, de la maison à la ville, le monde en mathématiques. Bien sûr. D'un certain Romain Jamais. Et c'est beaucoup mieux que ce que vous trouvez sur son blog, c'est des inédits. Je signale juste qu'il m'a dit avant l'émission qu'il ne l'avait toujours pas lu, donc vous pouvez toujours croire ce qu'il vous raconte, mais... Non, mais attention. Personne ne croit ce qu'il raconte. Donc là, si je résume la situation, on a un auditeur qui dit « Les gars, j'avais besoin d'une recommandation, mais il y avait beaucoup trop de bouquins dans votre liste. » Il y en a encore plus. Tu lui réponds pendant une demi-heure « Ouais, mais t'inquiète, je viens d'en rajouter encore plus. » C'est ça. Non, en fait, c'est à peu près sinon, si t'as besoin d'une forme. Recommandation, en recopiant tous les bouquins, j'ai réalisé qu'il y avait un bouquin dans notre liste qui avait été recommandé par trois personnes, à savoir toi, Alan, John Kallak et moi. C'est le bouquin « Le dernier théorème de Fermat » de Simon Signe, et je ne saurais que lui recommander de le lire s'il ne l'a pas encore fait. Et je me permets de le recommander aussi, parce que je ne suis absolument pas branché sur votre machin. Donc, mais s'il faut choisir qu'un, ben voilà, tu en as un. Ouais, si, c'est très bien fait ça. Accessoirement, ça parle de maths, j'y peux rien. Mais non, vraiment. Il est branché espace, physique, maths. Donc là, effectivement... Alors, espace, physique, il se trouve que le même auteur a écrit le roman du Big Bang qui est aussi très bien. Alors, en physique, dans le domaine, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Je sais qu'il y en a d'autres, mais celui-là, je l'ai lu et donc je peux dire qu'il est très bien. Tu as peut-être des meilleurs conseils, Alan, parce que toi, t'es le recordman de la page Goodreads de Podcast Science. Écoute, moi, je dirais quand même, s'il s'intéresse aux sciences en général, je lui recommanderais un formidable livre d'histoire des sciences de Bill Bryson qui s'appelle Short History of Nearly Everything, qui est absolument génial. David Loureiro en a parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il a été traduit en français dans l'intervalle, je ne me rappelle pas du titre. Tu sais en français ? Une histoire de tout ou presque, je crois. Okay. Ouais. C'est vraiment génialissime, c'est ma recommandation. Et il y est sur la page Goodreads de Podcast Science. Ah, et j'ai oublié le principal sur cette page-là. Vous pouvez bien sûr rajouter des bouquins, ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à le faire, parce qu'on est encore en train de découvrir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire, parce qu'on a envie que vous puissiez le faire. Si vous avez envie de poster des trucs, le but, c'est que vous puissiez communiquer sur cette page. Donc, normalement, vous pouvez le faire, et si vous ne pouvez pas le faire, il faut nous le dire. Allez, on enchaîne avec un message de Frédéric. Alors, un peu comme Damien, t'en as parlé... pendant son interview, Frédéric participe activement à la vie de la communauté Google Plus de Podcast Science et il nous dit ça fait un bout de temps que je pense à venir vous dire merci pour une des recommandations que vous avez mises dans vos livres à lire. On parle toujours des bouquins, on reste dans le même thème. Et j'aime l'histoire, la science et les BD, donc j'ai vraiment adoré la série Histoire des sciences en BD, et puis il nous donne le lien qu'on mettra dans les notes de l'émission. Je l'ai lu en entier avec mes fils de 9 et 8 ans. Je suis convaincu que si cette BD était offerte à chaque étudiant vers 12 ans, les études de sciences intéresseraient beaucoup plus de jeunes. On comprend très bien la manière dont les différentes civilisations ont hérité les unes des autres de leurs avancées scientifiques à travers les âges, l'échange et la communication comme vecteur de la connaissance humaine. Brillante démonstration, illustrée en plus. Merci à vous, Fred. Très bien, c'est l'occasion de réévoquer cette bande dessinée. Je ne sais pas exactement quand vous en aviez parlé. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Puis, je n'ai même pas le souvenir de l'avoir lu. Je crois que je ne l'ai pas lu. c'est bientôt Noël. Ouais, c'est ça. Oui, il y a même des événements plus près que Noël encore. On le saura. Genre demain. Qu'est-ce qui se passe demain ? Je me demande. Hein. Bref, on enchaîne. Allez, on enchaîne. On enchaîne, sinon il sera minuit et il faudra faire un truc, ça va être chiant. Ouais, t'as raison. Non, c'est bon, c'est 3h, on a encore un peu de temps. On a reçu une question pour nos matheux, alors même si je suis pas sûre que ce soit vraiment un problème de maths, mais on verra. Hello l'équipe Podcast Science, je suis un fidèle auditeur discret. Bravo pour vos émissions, vraiment enrichissantes et décontractées. J'aurais une question pour votre fine équipe de matheux. Je suis en train d'essayer de détecter la position d'un smartphone dans l'espace à l'aide de capteurs embarqués. Accéléromètre, gyromètre, gravité, champ magnétique. Plus précisément, je voudrais pouvoir détecter quand le smartphone est en train de tomber. Quelle que soit l'orientation de départ du smartphone et même s'il tourne sur lui-même en tombant. Je pense qu'un matheux devrait me faire qu'une bouchée de ce problème, mais moi je sèche. Auriez-vous une formule ou un algorithme pour me venir en aide ? Merci, à bientôt. Robin, je te laisse répondre. Alors, comment dire ? Moi, il me manque beaucoup de données au problème avant de pouvoir répondre. Genre, qu'est-ce qu'un smartphone? Par exemple. qu'est-ce que il y a eu des gros mots aussi avant. Hein. Il y a eu beaucoup de gros mots là. Il y a des trucs qui parlaient de magnétisme ou je ne sais quoi là. Moi, ouh là là, j'ai toujours pas bien compris. Non, blague à part, je sais pas, il faut que j'ai un énoncé complet du truc. Et puis, je sais pas si je suis la personne la plus adaptée pour répondre à ça. Les problèmes pratiques, a priori, c'est plutôt le domaine de Nico. Ouais, a priori, là, il y a pas mal d'informatique, je pense. Et enfin, je serais pas non plus d'une grosse aide. Sur le sujet, quoi. Il n'y a pas un blogueur du Café des Sciences qui avait expliqué comment fonctionne un accéléromètre il y a quelques temps ? Je ne me rappelle plus qui c'était. Ça doit exister. Enfin, le truc qui manque essentiellement, c'est quelles données il a et qu'est-ce qu'il veut comme résultat, quoi. Ouais, il veut l'âge du capitaine. Parce que là, les données qu'il a, il donne ça en vrac, mais il faudra un truc précis. SIJ propose if smartphone.état égal en train de tomber, zen. Pourquoi on demande des trucs comme ça? Merci LGJ. On a un vrai physicien ici. Un peu de silence, écoutons-le. Non, alors j'aurais pas cette prétention d'être le vrai physicien ici, mais j'imagine qu'avec l'accéléromètre et puis un gradient de gravité, ça devrait être suffisant pour donner un smartphone qui tombe. En suivant le gradient de la gravité, puis en regardant l'accélération, je sais pas. J'aime comme tu me regardes droit dans les yeux en ayant l'air de croire sincèrement que je comprends ce que tu racontes. Gradient de gravité. Si tu regardes, j'ai compris, fais un effort. Gradient, et puis que si l'accélération se fait dans la direction de la gravité, quoi, tout simplement, ça devrait être suffisant pour voir qui tombe. Ouais. Mais du coup, faut voir. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Dans ce cas-là, ça m'intéresse. Il y a Joanne qui dit qu'avec le GPS, normalement, tu peux avoir l'altitude, t'as pas besoin d'accéléromètre. Ouais, mais l'altitude entre 1 mètre et 0, parce que quand ça tombe, globalement, ça tombe. Je pense qu'il y a un peu de mal à. Ouais. Le problème, c'est que les GPS, c'est super bien en XY, en position latérale, mais en position verticale, c'est complètement à la ramasse. En général, on est à 2 mètres près, donc j'aurais pas confiance au GPS. Mais, bon, bref, on n'est pas des spécialistes. Voilà. Mais au terme, on n'en a aucune idée. Mais c'était bien tenté. Bravo. Alors, on a Maxime qui nous signale une chaîne YouTube pour les bricoleurs. Il dit « Salut, je voulais partager avec vous une chaîne sur YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps. Ça s'appelle Applied Science. Comme son nom l'indique, c'est en anglais. C'est fait par Ben Krasnow, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un fou furieux qui a construit un microscope électronique à balayage dans son garage. Les vidéos parlent de plein de sujets différents, de l'électronique, de la mécanique, de la chimie, de la construction d'une machine à fabriquer les cookies, comment calculer une intégrale avec une balance, d'extraction de caféine, etc. etc. Ça se trouve ici, donc c'est une chaîne YouTube, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Sinon, il y a une interview de lui ici, c'est un autre lien qu'on mettra aussi. A plus, Maxime. Moi, voilà. Faire des intégrales avec une balance, ça me va. Historiquement, Galilée l'a fait. Rabat-joie. Bon. Ouais, j'ai proposé à Maxime de rejoindre la communauté Google+, donc j'espère qu'il nous partage souvent des petits trucs intéressants comme ça, donc j'espère qu'il va s'y mettre. Et donc pour terminer, ou presque, on a un message de Emric depuis la Thaïlande qui nous dit... Hello à vous, c'est décidément la période des premières fois. Mercredi dernier, j'assistais à mon premier live de Podcast Science et aujourd'hui, je me lance pour ma première participation. Je vous ai découvert en écoutant Voyagecast afin de préparer mon trip d'un mois en Thaïlande. C'est au cours des nombreux trajets en bus, train et autres tuk-tuk bien typiques du Siam que j'ai pu m'enrichir grâce à votre travail passionné. Et c'est fantastique. Me voilà maintenant armé de tout plein d'idées nouvelles pour percevoir le monde différemment. Fini la consommation aveugle d'émissions de télévision ou de radio soucieuses de l'audience que de la qualité du message. J'en suis maintenant certain, je suis un sceptique. Assumant pleinement cette étiquette, je me mets en quête d'informations fiables sur divers sujets qui me passionnent. Articles scientifiques, revues, collectif conscience, Étienne Klein... J'y passe pas mal de temps et je me régale. Mais bon, hier c'était dimanche et j'avais simplement envie de regarder un bon documentaire sans trop avoir à chercher. Je tape sur Google « documentaire scientifique sérieux » et patatras. Uniquement des résultats contenant le mot « ovni » ou « UFO ». Vous comprenez mon désarroi soudain. Faute de motivation, je me suis rabattu sur le film Contact que vous évoquiez lors du dernier live. Ma frustration reste entière. Voilà donc ma question. Où peut-on trouver des documentaires scientifiques sérieux pour un dimanche après-midi pluvieux ? Je ne doute pas une seconde que vous lirez mon message et j'espère fort que vous y répondrez. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et vous remercie grandement pour toutes ces connaissances. Vous êtes pour moi le meilleur média scientifique de la francophonie de l'univers. C'est pas mal la francophonie de l'univers, c'est presque mieux que l'internet mondial. Scientifiquement, Emric. PS, vraiment pas cool que de nous rappeler qu'on est nul en table de multiplication avec ce captcha. Ça fait deux fois que je le rate. Ouais, c'est dégueu. Bon, j'avoue que c'est triste à dire, mais je pense qu'une des plus mauvaises méthodes pour trouver un documentaire sérieux, c'est de taper documentaire sérieux dans Google. Je pense. Mais c'est quoi la bonne méthode, alors? Bah, je sais pas, bon, parmi les derniers documentaires que j'ai vus, que j'ai trouvé très sympa, c'est le documentaire dont j'oublie tout le temps le nom, là, mais tu sais c'est de quoi je parle. Quoi? Mais non, mais tu sais duquel je parle, celui qui a fait grand bruit, là, qui est un remake d'un vieux documentaire fait par le Cosmos. Cosmos, voilà. Bon, qui est du documentaire grand spectacle, alors peut-être que ça va pas le nourrir des tonnes. Sinon, en documentaire, je sais pas, t'as un conseil, toi? Damien, peut-être? Ouais, je dirais regarde la BBC. Ouais, c'est ce qu'a dit David aussi. Ouais. Damien, toi, t'as une idée de comment trouver un bon documentaire scientifique pour un dimanche pluvieux à la télé? Ouais, bah, en fouillant sur YouTube, il y a de quoi trouver en général. Après, c'est quoi les mots-clés que tu utilises? Ah, c'est vrai qu'il y a les chaînes YouTube qu'a conseillé Damien tout à l'heure, où il y a des trucs très sympas. Les TED-Ed, c'est des épisodes de 20 minutes en général, enfin 10-20 minutes, et il y a de quoi faire vraiment. Puis les TED de manière générale aussi, même si c'est pas forcément de la science, ça peut être pas mal de la technologie ou de... Il y a un certain nombre de c'est il y a à boire et à le manger, il y a, comme qualité c'est variable, mais il y a un certain nombre d'universités qui font des conférences en ligne. Ça dépend vachement de l'intervenant, quoi. Mais j'ai déjà vu des choses passionnantes là-dessus. Où, alors bon, je vais parler de maths évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en ligne. La BNF, ça fait des années qu'il y a des conférences qui s'appellent Un texte, un mathématicien. C'est très divers, c'est très. Voilà, il y a des mathématiciens, la vulgarisation, c'est un peu compliqué. Mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Après, sinon, il y a l'émission de La Tête au Carré où est apparu Robin. Mais ça, c'est pas une vidéo. Et puis. Et puis, j'en ai déjà parlé, il y a les deux séries de films qui ont été faites par Étienne Gis, Aurélien Alvarez et Just Less sur Dimension et sur Chaos. Ça peut faire au moins deux après-midi. Bon, je sais pas, hein, je réfléchis en même temps que je parle là. Sinon, moi, je propose les Ernest. Donc, c'est des conférences qui sont données à l'ENS, si je ne me trompe pas, et qui sont filmées. Et, bon, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a vraiment pas mal de choix sur un peu tous les sujets. Ça va de la philo à la science. Enfin, il y a vraiment de tout, de l'histoire et tout. Et il y en a beaucoup qui sont vraiment très, très bien faits. Donc, je recommande largement. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis tombé plusieurs fois dessus et c'est vrai que c'est souvent bien fait. Et sinon, si on ne se limite pas à la vidéo et que c'est un grand sceptique se découvrant, bah, il y a quand même le podcast de Jean-Michel Abrassard qui, avec je ne sais plus combien d'épisodes, a de quoi l'occuper pendant une ou deux années. Ouais, il a même plus d'épisodes que nous. Je crois qu'il prend même pas de vacances, en fait. Il fait jamais de C'est ça. Mais est-ce qu'il prend pas de drogue? sans doute. Mais sinon, pour répondre à la question par rapport aux vidéos, bah, y a aussi la chaîne vidéo du Café des Sciences. Plus généralement, vidéo science dont tu parlais. Ouais. Justement, ouais. Donc, c'est on lui a déjà recommandé ça. Pluriel, enfin, ouais. Mais allez-y pour le plug. dedans, il y a Axelot, il y a Chou Romanesco, qui a aussi un vidéocast, comment on dit Tu peux éviter de donner le raccourci, c'est Chou Romanesco, Vachkiri, Intégrale Curvilli. Ouais, on n'ampute pas. Il n'y avait pas la place, c'est juste marqué Chou Romanesco. Non, mais on n'ampute pas comme ça. Enfin, je veux dire, l'art, c'est jusqu'au bout, quoi. On a gardé l'essentiel, Chou Romanesco. Il y a le CNES aussi, il y a Delarue Biomédia, il y a l'excellent, génialissime Dirty Biology. Il y a Dr. Nozman, Draw Me Why, Droopix, Y-Penser, il y a le blog de Florence Porcel, il y a Kezako, La Minute Scientifique, La Tête au Carré, donc des extraits vidéo, je crois, de La Tête au Carré, le Psylab, Micmat, My Science Work, OPTV, enfin, il y en a plus en plus, quoi, ça n'arrête pas, Science Syllabus, un génial Syllabus aussi. Et ça, c'est que du français, et après, il y a énormément de choses en contenu anglophone aussi. Ouais, c'est vrai. SAP Science par exemple, Minute Science, ouais, je sais plus, il y en a tellement. Verbatim, Numberphile. Enfin voilà, donc il y a de quoi faire. Non. Là, on en a cité suffisamment pour une vie. Et quand t'en seras à ta deuxième vie, on pourra en reparler. Tu nous renvoies une question. Tiens, moi j'ajoute un petit message puisqu'on est dans les plugs. Enfin, c'est un message de. On n'est pas dans les plugs, on est dans les félicitations. C'est un message de la part de ma petite sœur qui m'a demandé de faire un message à Irène. Elle disait, si une fois Tu as Irène du podcast en ligne, en chat ou je ne sais quelle autre forme de communication. Dis-lui de ma part qu'elle est exceptionnelle et que si j'avais eu la chance d'avoir une prof qui explique les choses aussi bien qu'elle, eh bien, elle aurait changé ma vie. Voilà. En plus, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. Bah écoute, c'est dommage qu'elle soit pas là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ta petite sœur. Je pense aussi, ouais. Et puis, on a un message de dernière minute d'Ogren. Ouais, on aurait presque dû attendre minuit, mais bon, tant pis. Y arriver. Je te joins une image. Sur celle-ci, tu peux voir un message décomposé en triangle. C'est en lien avec l'algorithme de triangulation de polynômes simples en un temps linéaire de Bernard Chazelle, né un 5 novembre. En dessous, sur la gauche, tu as deux schémas de l'électromagnétisme. C'est en lien avec la théorie classique sur la radiation électromagnétique de James Clerk Maxwell, décédé un 5 novembre. Tu as le portrait de ce même personnage à droite. Enfin, j'ai mis en image, avec l'outil de sténographie le plus simple que j'ai trouvé, GIMP, une citation de Michael Dertouzos, un innovateur dans pas mal de domaines liés à l'informatique. C'était en plus un fan de logiciels libres et ça, ça n'a pas de prix. Il est né un 5 novembre. Pour la citation cachée, tu peux lui dire directement de faire chercher un petit peu. C'est pas fort compliqué, je n'ai pas eu le temps de faire plus pour l'avoir un $head nom de l'image.jpeg sur un système GNU, Linux ou Windows via Cygwin suffit. Et pour mes sources, 100% Wikipédia principalement. Donc voilà, c'est une image qui c'est celle qui est dans la chatroom, vous voulez la voir. Oui, oui. Pour Nicotube. C'est beau. Joyeux anniversaire. C'est gentil. C'est celle qui est dans la chatroom, c'est ça? Oui, oui. Et donc il nous avait dit, j'ai essayé de lui faire un petit truc un peu bizarre, comme il est matheux, il devrait aimer. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Plutôt réussi, bah, merci beaucoup. Et les matheux aiment les trucs bizarres. Ouais, attends, c'est joli. Je vois pas ce qui permet de faire ce genre de généralité. Ouais, bah, c'est tout gentil. Alan, tu voulais revenir sur une question d'auditeur? Ouais, en attendant de prendre les éventuelles questions d'auditeurs qu'on a eues dans la chatroom ce soir, moi je voulais revenir sur une question, je ne sais plus si c'était une question ou une remarque, je ne sais même plus sur quel canal c'était, je crois bien que c'était dans la chatroom il y a quelques semaines. On avait eu une discussion sur le prix des billets d'avion achetés en ligne qui changerait non pas en fonction de l'algorithme de gestion de l'offre et de la demande, mais surtout en fonction de la configuration, des habitudes de navigation, des préférences de visite de l'utilisateur. Ben, c'était justement un des sujets du podcast du Scientific American, le 60 Second Science. Ça dure une minute, du coup, j'arrive à l'écouter, c'est merveilleux, j'adore ce podcast. Et l'épisode en question portait justement là-dessus, donc notamment sur les conclusions de Christo Wilson, chercheur en informatique de l'université Northeastern. Et Wilson et ses collègues ont analysé les résultats de recherche de 300 vrais utilisateurs, mais utilisant des comptes fake, sans cookies, sur 16 grands sites de commerce en ligne. Conclusion, la moitié des sites personnalisaient effectivement les résultats, spécialement les sites de voyage. Expedia et Hotels.com présentent les offres les plus chères en priorité pour certains utilisateurs. Priceline fausse carrément les résultats en fonction de l'historique d'achat. Et l'exemple préféré de Wilson en matière de fixation des prix à la gueule du client, c'est HomeDepot.com, où les produits les plus chers sont proposés aux utilisateurs de terminaux mobiles. Comme si on vous proposait une table pliante en plastique lors de vos visites depuis un ordinateur, ou une table en acajou massif si vous fouillez le catalogue depuis votre portable. Une citation de l'auteur. Et donc Robin, depuis son Minitel, il voit quoi? Ça, je pense que c'est un cas un peu trop à la marge pour qu'il ait été pris en considération. Donc les chercheurs vont présenter leurs résultats après-demain, le 6 novembre, à la conférence Internet Measurement à Vancouver, au Canada. Et sans devenir parano pour autant, Wilson nous recommande de toujours regarder les offres en mode navigation privée et de comparer les résultats depuis plusieurs appareils, genre utiliser un ordinateur, une tablette et un téléphone, ou éventuellement demander à un ami, voire un ami sur Minitel, de regarder lui aussi et de voir s'il a les mêmes résultats. Bon, on mettra le lien sur le billet audio du Scientific American dans les notes de l'émission, bien sûr. Ah, c'est assez ouf quand même. Hein. C'est dingue. Hein. Mais c'est pas étonnant. Ouais, mais donc voilà, on savait pas si c'était une croyance, une de ces légendes urbaines, etc. Là, ça a été étudié scientifiquement. Maintenant, on a la réponse. Effectivement, c'est les prix pratiqués à la gueule du client. Génial. Bon, par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils donnent la configuration parfaite pour avoir les meilleurs prix, quoi. Ouais, on râlera. Sinon, on avait des messages d'auditeurs. Ouais. Dans le chatroom ce soir. Alors, je ne sais pas si on va arriver à répondre à toutes les questions, mais donc il y a Yves qui nous partageait son expérience sur les LED. Donc il nous dit, bon, la théorie c'est bien joli, mais voilà la pratique, un spot Osram 4 LED blanche warm white, 245 lumens pour 4,6 watts, moins 87% d'économie et durée de vie supposée 15 ans. Ce n'est pas donné, mais je n'aurais pas dû. Et résultat, elle lâche après 6 mois, alors je suis retournée à l'halogène. La persévérance, je veux bien, mais là j'ai l'impression qu'on se fout de nous. Voilà. Donc. Bon, c'était une remarque sur les LED, c'est ça ? Ouais, sur après, pendant l'interview de Nicolas Grandjean. Nicolas Grandjean. Bon, après, je pense que c'est un peu compliqué de faire des généralités, etc. Il faut, ouais. Faut fouiller. Non, quoi. C'est une anecdote, quoi. Je sais pas en quelle mesure. Hein. Ça arrive souvent. Enfin, moi, j'ai que des ampoules LED chez moi. J'ai jamais eu ce genre de problème, par exemple. Ouais. Ensuite, alors, c'était pendant la rubrique de Robin. Mm-hmm. Joanne nous disait que au niveau formule, il doit y avoir quelque chose pour prévoir l'orbite d'après à partir de celle d'avant. Ouais, sinon il n'aura pas cherché de trucs comme ça. Je comprends pas trop la question. Oui, c'est-à-dire qu'en fonction de la seule chose que Kepler a cherché, c'est dans quel ordre il fallait imbriquer les polyèdres pour que ça colle avec les observations, quoi. Mm. Et donc, suivant l'ordre dans lequel on emboîte les polyèdres, les distances entre les planètes ne sont pas les mêmes. Bon, il se trouve qu'en fait, ça marchait pas, mais oui, il y a. Mais alors, la formule, oui, enfin, calculer cette distance-là, ça doit se faire, mais ça doit être chiant. Long et pénible, comme on dit. Ok. Et puis. C'est quelque chose que j'ai lu à propos de Kepler. Apparemment, dans son bouquin, il n'était pas spécialement doué pour le calcul, et apparemment, dans son bouquin, ou dans ses lettres, il se plaint régulièrement d'avoir beaucoup de calculs à faire. Ce que je trouve assez bon, quoi. C'est l'image du scientifique qui soi-disant aime faire des calculs. Non. Généralement, les scientifiques n'aiment pas faire des calculs. Et les matheux non plus, en fait. On a eu l'occasion de découvrir ça. Non, carrément pas, non. Bah, c'est les matheux quand même qui ont inventé l'ordinateur, quand même. Faut pas oublier ça. Hein. Moi, j'ai toujours fait des maths pour arrêter de faire des calculs. Hein. Oui. Ok, autre chose ? Et puis, bah, y a David Loureiro qui nous a envoyé quelques messages. Donc, il félicite Joanne. Il nous dit « Ah oui, l'épisode sur Voyageurs était vraiment bien, bravo Dr. Johan ». Il nous signale aussi qu'il a ajouté le dernier livre de Robin sur Goodreads. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu passer des tweets qui disaient que ce serait peut-être un sujet pour un Lisez la science. Ouais. Vous faites ce que vous voulez, les gars, mais lisez-le avant. Hein. Bon, bah, quand même. David lit tous les livres dont il parle dans Lisez la science. Il ne parle pas qu'avec des gens qui ont lu les livres. En tout cas, le livre est aussi très utile pour rendre une table stable. Ça a bien marché. Merci. Vraiment, je. Tu devrais m'insulter parce qu'un bon matheux n'a pas besoin de livres pour rendre une table stable. Exactement, c'est vrai. Sauf si la table elle-même n'a pas les quatre pieds dans le même plan. Il suffit de la tourner d'un quart de tour. Sauf si les quatre pieds ne sont pas dans le même plan. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai, on regrette d'être éparpillé aux quatre coins de l'Europe parce que franchement, je vous taperais bien sur la tête avec un parapluie. Et puis, il nous partage aussi universcience.tv. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué déjà. Ah non, non, c'est juste. Ouais. Ouais. Très bien. Palais-découverte.fr. Tout pour les questions, je crois. Vous avez noté autre chose ? Non, personnellement non. Eh bien, on va passer au pitch. Et alors, c'est encore Alan qui s'y colle. Décidément, qu'est-ce que tu m'as fait bosser, c'est ça ? Mais tu viens pas souvent. Alors, quand t'es là, on t'exploite. Oh. Alors, la semaine prochaine, on va retrouver notre vieil ami Pierre Kerner, le merveilleux topo de l'excellent blog Strange Stuff and Funky Things, dont Julie nous a lu un billet tout à l'heure. Et Pierre ne viendra pas seul, mais avec une véritable autorité en biologie de l'évolution, le professeur Marc-André Sellos, et nous allons parler de transferts horizontaux. Alors, l'histoire a commencé avec une question d'auditeur, en l'occurrence Maël ou Méal, je ne sais jamais, qui demandait le plus sérieusement du monde un haricot vert auquel on aurait ajouté un gène de limace pour qu'il soit plus juteux. Exemple inventé. Où se situerait-il dans l'arbre du vivant ? Alors, je crois que Nico n'avait pas encore lancé sa rubrique un peu « What the fuck ?» Je me demandais, mais la question aurait été une excellente candidate. Alors, quand nous avons besoin d'une pointure en évolution, évidemment, nous nous tournons tout naturellement vers notre ami Pierre, qui a bien sûr accepté de venir en renfort, mais pour le coup, il s'est dit que ça valait la peine de venir accompagner. Il sortait d'une conférence époustouflante du professeur Sellos, justement, qui portait sur cette question. Marc-André Sellos est l'un des plus grands experts de la question, spécialiste des hybridations, symbioses et autres cochonneries lubriques dont est capable le vivant pour mixer les gènes entre organismes et brouiller les pistes quand on se risque à faire de la classification. Quand tu dis que c'est un grand expert de la question, tu parles de la question des haricots verts auxquels on aurait ajouté un gène de limace, c'est ça ? Absolument, c'est ça. Ouais. Donc, ni une ni deux, Pierre l'a contacté de notre part, on a discuté, on a convenu d'une date, et hop, ce sera la semaine prochaine, le mardi 11 novembre à 20h30, sur live.podcastscience.fm. Ça promet d'être un épisode particulièrement passionnant, alors on vous invite à venir le suivre en direct dans la chatroom, si vous en avez la possibilité. Vous pourrez poser vos questions en direct et avoir la chance d'entendre la réponse en direct. Vous avez un crayon ? Notez bien, ce sera le mardi 11 novembre à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Le 11 du 11, c'est facile à retenir. Bon, bah, merveilleux. Je suis ravi de pouvoir parler en direct avec un spécialiste du haricot vert avec un gène de limace. On peut pas faire l'émission à 11h11. Ça aurait été pas mal. Hein. On passe à la côte ? Ouais. Damien, t'es venu avec une côte ? Ben oui, j'ai cru comprendre qu'on m'avait dit qu'il fallait venir avec une côte. Donc, au début, j'avais pensé à ramener une côte qui est attribuée à Einstein, que j'ai affichée au-dessus de mon bureau. La côte en question, c'était « If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it ?» Donc, Albert Einstein. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut traduire. Si on savait ce qu'on était en train de faire, ça ne s'appellerait pas de la recherche, n'est-ce pas ? Exactement. Mais comme j'ai appris à force d'écouter des épisodes de podcast science qu'on ne peut jamais être sûr que les quotes d'Einstein sont vraiment des quotes d'Einstein. C'est même une quote d'Einstein, ça, je crois. Probablement, je ne me rappelle plus. Mais... je vous ai ramené une autre quote. Dont je suis sûr, ce coup-ci, une quote d'un physicien philosophe argentin dont j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, quand j'étais à l'université à La Plata, en Argentine. C'est un grand bonhomme, il est vraiment incroyable, il a travaillé dans tous les domaines de la science et il est vraiment très, très optimiste sur ce que la science peut apporter. Donc, la quote, c'est... Alors, excusez tout de suite la prononciation espagnole qui va être horrible, mais « El mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. » Et donc, le bonhomme, c'est Mario Bunge. Là, je veux bien que tu traduises. Alors, le monde de l'homme contemporain se fonde sur les résultats de la science, c'est-à-dire que la donnée va remplacer le mythe, la théorie va remplacer la fantaisie et la prédiction va remplacer la prophétie. Et j'ai trouvé que c'était une quote très, très optimiste et très sympathique pour un podcast scientifique. Ouais. Ouais, absolument fan. Bien joué. Parfait. Il y a une chanson de Brassens où il ajoute « Et le grand Pan est mort ». Mais bon, c'est la vision négative du truc. Les mythes sont morts, quoi. Mais on peut passer la chanson après, alors. Tu la connais ? Fan. Ah ouais, je suis très fan de Brassens. Bon, bah voilà. Ok. Nico, tu voulais parler un petit peu des dons ? Ouais, on va faire un petit retour sur les dons, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et on n'est pas très, très sérieux là-dessus. Et en particulier, je ne sais pas si c'est ceux que tu m'as rapatriés ici, on voulait faire un grand merci tout particulier aux dons réguliers, en fait, parce qu'on en a parlé la première fois qu'ils ont donné, mais il y en a tout un paquet où ça fait un sacré bout de temps qu'ils donnent régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, en fait, ils ont servi la formule d'abonnement. Et donc, comme ça fait un petit bout de temps pour certains, ça fait depuis qu'on a lancé cette possibilité de faire des dons, et l'idée était de faire un grand merci. Donc, il y a Alain Crouault, il y a Irène, oui, la même Irène que vous entendez, il y a Romain Tournier, dont on a eu un message tout à l'heure, il y a Guillaume Norbert, Jonathan Métro de Voyagecast et Anthropodcast, Pascal, le certain Pascal Metz de la chatroom, William Desma, Alain Poulikien, qu'on voit souvent aux émissions live, Mac Taforo, le Pierre Kerner dont on vient de parler à l'instant, et Sylvain Fourny. Donc un grand merci à tous, vraiment, vraiment top. Ouais, et il y a Gabriel Labouras. J'allais y venir, et puis donc on a un nouveau donateur, sinon Gabriel Labouras, qui est tout aussi remercié que les autres. Et voilà, donc encore merci beaucoup. C'est cool parce qu'on a un peu d'argent, c'est pas dément, mais ça va nous permettre, si on fait des événements, de faire que les dinosaures, qu'on ait de quoi financer les déplacements des dessinateurs s'ils viennent, éventuellement un peu de matériel pour nos chers amis américains là, qui vont en avoir besoin. Enfin, de toute façon, on vous tiendra au courant de comment on le dépense, mais c'est assez cool. Voilà, ça fait très plaisir et merci beaucoup. Et voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les autres. Bah, merci. Ouais, exactement. Bah oui, non, merci. Bah, ne serait-ce que ce soir, le fait que je sois chez toi et qu'on puisse broadcaster et tout, c'est... Voilà, c'est entre autres, on est sur votre matériel. et voilà, donc merci beaucoup Et donc un grand merci à en particulier tous ceux que je viens de citer là qui donnent régulièrement depuis un sacré bout de temps, mine de rien, et qu'on n'a pas assez remercié jusqu'alors. Très bien. Et bien alors, c'est le moment de lancer le nouveau quiz du mois. Alors. On n'a pas de petit jingle pour le quiz, ça manque un peu. Non, mais un vrai, quoi. Alors, winter is coming. Hein. Bon, pas trop vite quand même, parce que chez moi à Nice, malgré l'alerte orange, il fait toujours 20 degrés. Mais bientôt, on pourra vraiment dire que l'hiver arrive. Et il y a une phrase que moi, j'entends depuis toute petite, c'est que quand ça caille dehors, il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. Un faux ou un tox, hein. Alors, je me chargerai de la réponse. Hein, c'est une blague. Pourquoi? T'en as pas marre de faire des infos en quiz? Ah, ce que t'es persuadé que c'est une info, toi, d'emblée. Ah, super, alors. Écoutez, je sais pas, écoute, je vais aller essayer, je vais aller me balader tout nu dans le froid, et puis on va voir, quoi. Mm-hmm. Dans le bec, ouais. On a déjà entendu ça. Bah, si t'es tout nu, il y a un autre risque, quoi, de toute évidence. Damien, t'as une proposition déjà? Non, pour l'instant, pas encore réfléchi à la question. Tu voudrais chercher avant? Non, je regarderai, je vais faire des expériences. Je suis expérimentateur à la base, donc je vais déjà... Ouais, parfait. Il va faire comme moi, il va dormir tout nu dehors une nuit pour voir. Bah, du coup, moi, je vais enchaîner avec les plugs. C'est pas exactement un plug, mais une annonce qui est tombée à midi aujourd'hui, donc on doit partager. Vous vous souvenez certainement de Fabiola Gianotti, que vous avez pu entendre dans le dernier hors-série de Podcast Science il y a quelques semaines. Eh bien, elle vient d'être nommée directrice générale du CERN, rien que ça. Elle va prendre ses fonctions le 1er janvier 2015. Alors, je sais pas vous, mais moi... En plus de ses compétences extraordinaires qui lui ont valu cette nomination, je suis très ému par la dimension symbolique de cette nouvelle. Une femme à la tête de l'un des plus grands centres de recherche de la planète, c'est juste extraordinaire. J'espère que ça va susciter de nouvelles vocations et qu'on arrêtera de convaincre les filles qu'elles sont nulles en maths ou en physique. Un tout grand bravo à Fabiola. Et qui sait, peut-être qu'on aura le plaisir de la recevoir sur le podcast. Je lui avais glissé ma dernière carte de visite au moment où j'ai invité Hubert Reeves. C'était le même jour. Ce serait assez génial si on pouvait avoir la directrice générale du CERN. En tout cas, on va essayer. Et le dossier d'Hubert Reeves, il est prêt ou pas? Non, je lui ai demandé pour demain 16h, mais en fait, il n'a pas d'adresse email, le garçon. Il est pire que Robin. J'ai dû écrire à son assistante qui m'a envoyé un message. Écrit en manuscrit, bien sûr. Pardon? T'as écrit en manuscrit à son assistante? Non, j'ai écrit par email. Mais elle m'a renvoyé un truc genre out of office, mais qui est arrivé 4 heures plus tard. Qui disait que de messages, regardez ceci en attendant. C'est un lien sur le site d'Hubert Reeves. Mais on va continuer, on va s'acharner. On l'aura. Il viendra sur le podcast. Sinon, c'était un plug pour notre communauté Google+, donc on en a beaucoup parlé, donc on ne va pas y revenir parce que c'est facile à trouver, quoi. Ouais, je ne sais pas si c'est si facile que ça à trouver, en fait. L'adresse, elle a l'air assez à chier, mais j'imagine qu'en cherchant Podcast Science, on devrait pouvoir trouver, non? J'espère. Sinon, non. C'est 1077-53-51-08-20-67-40-89-168. LGJ, je veux une propriété particulière de ce nombre. C'est infernal. On peut même pas te taper, c'est bientôt ton anniversaire. Oh ouais. Et puis, il a des lunettes, c'est comme un agneau. C'est ça, le chouchou. Je sais pas de qui il est le chouchou, mais il a des lunettes. Bref, vous retrouverez aussi dans les notes de l'émission les différents liens qu'on a évoqués, donc non seulement la communauté Google+, mais aussi le lien sur l'article du Scientific American, sur le commentaire de Gaudry, sur les autorisations de mise sur le marché. Il y a une conférence organisée par Indescience le 28 novembre. Et je suis très embêté parce que j'ai pas le reste des informations sous les yeux, mais du coup on en reparlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Je sais juste que ça se passe à Paris, que c'est gratuit et puis que vous pouvez vous inscrire en tout cas via Facebook, c'est là que j'ai vu l'information. Je pense qu'on n'a pas le temps pour le blog suivant sinon. Ouais, vas-y quand même, allez, on va être au-dessus. Vous pouvez entendre Robin dans l'épisode de la tête au carré de mercredi. Vive les maths, voilà. C'était le nom de l'épisode, Vive les maths. Et donc, il est interviewé avec une mathématicienne aussi. Et... Avec deux mathématiciennes, enfin Stella Baruch et quelqu'un qui est très connu pour toutes ses recherches sur la pédagogie des maths et notamment les problèmes de blocage à cause de problèmes de langage. Donc, elle a écrit énormément de livres et elle est très connue notamment des enseignants en primaire. Sur les blocages, et puis l'autre personne dont j'ai oublié le nom, c'est mal, mais je suis pris au dépourvu aussi, j'avais pas prévu d'en parler. C'est une mathématicienne de Lyon qui avait participé à l'initiative, j'en avais parlé sur Podcast Science l'année dernière. Il y avait, c'était l'année des mathématiques pour la planète Terre, et donc il y avait une initiative qui était un jour une brève. C'est-à-dire qu'il y avait un site qui est toujours en ligne d'ailleurs, vous pouvez retrouver, sur lequel il y a une brève de maths appliquées à quelque chose qui concerne la planète Terre, c'est relativement vaste, de maths appliquées quoi, par jour. Ok. Ok, bon, de toute façon, elle ne va pas t'en vouloir parce qu'elle ne va pas écouter, parce qu'elle ne sait même pas que Podcast Science existe. Oui, elle connaît juste le blog de Robin. Ouais, alors voilà, alors là, franchement, alors franchement, vous êtes vraiment, enfin, je ne vais pas dire de gros mots, enfin, j'en dis déjà suffisamment comme ça, mais j'avais un de mes objectifs dans ma tête en allant à cette émission, c'était de réussir à caser une fois Podcast Science et je n'ai pas réussi. Non, mais c'est pas comme si tu avais eu des perches lancées. Et donc. J'ai eu une perche lancée, mais c'était beaucoup trop tôt. Elle a parlé de mon blog, je n'ai pas de blog, j'ai mis à peu près une demi-heure à comprendre de quoi elle me parlait. Et donc, non pas une demi-heure, mais disons que j'avais déjà à peu près fini de répondre au moment où j'ai compris de quoi elle parlait et que ça tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et quand on fait le compte, c'est une émission qui est censée être de 14 à 15, un truc comme ça. Quand on fait le compte du temps de parole utile, ben c'est un peu plus court que ça. On était trois intervenants, j'ai pas réussi, j'ai raté quoi, voilà. Bon, bah, sinon... Non, mais quand même, ça vaut la peine d'écouter. Bon, je sais pas. J'arrive même pas à t'en vouloir. C'était vachement bien ce que tu disais. C'était cool. C'était un plaisir de t'entendre. Yep. Juste, excuse-moi, Julie, dans l'intervalle, a retrouvé les informations qui me manquaient tout à l'heure sur la conférence organisée par Indesciences. Donc, ça s'appelle « Regards croisés de chercheurs sur la lumière en science » dans le cadre de Confessions 2014. Donc, ça va se dérouler le vendredi 28 novembre de 14h à 20h30 au campus des Cordeliers. C'est 21 rue de l'École de médecine à Paris. Vous trouvez des billets sur Eventbrite. Vous trouvez tout ça sur Facebook, sur la page d'Indesciences. Donc, sinon, toujours la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir un mail par semaine indiquant les nouveautés de Podcast Science. Et puis, autrement, bah, toute une série de liens aussi qu'on a évoqués, notamment dans la chatroom ce soir en parlant, dont le lien sur comment les téléphones portables tombent. Enfin, j'avais dit tout à l'heure qu'un des cafetiers du Café des Sciences avait pondu un billet sur les accéléromètres. C'était Karim du blog Sweet Random Science. Donc, on vous mettra le lien aussi. Là-dessus, je ne suis pas sûr que ça réponde à la question de... C'était question de Martin ? Non, je ne sais plus si c'était la question. Mais sur comment ils tombent, tu veux dire, est-ce qu'ils tombent toujours du côté beurré ou c'est toujours sur leurs pattes ? C'est ça, je ne comprends pas la question. Ça doit être ça, ouais. Non, la question, c'était comment savoir que le téléphone est en train de tomber ? Oui, ça, c'est la question de tout à l'heure, mais la question dont tu parles tout de suite, là. Non, je ne parle pas de la question. de l'article de Karim qui expliquait comment fonctionne un accéléromètre. Ah, d'accord, pardon. Il y a un lien. Oui, il y a un lien. Voilà, et puis pour conclure, bah pour une fois que je suis là et puis qu'on me fait parler, bah je squatte et je conclue pour dire d'abord un immense merci à toute l'équipe, en particulier à Julie et à Nico. Ça fait quelques semaines maintenant que, de mon point de vue, le podcast roule tout seul. Ça me fait tout drôle à chaque fois, ça me rend surtout hyper fier. Longue vie à ce podcast magnifique qui est entre d'excellentes mains. Et puis un immense merci aussi au reste de l'équipe, Irène, Robin, Johan, aux dessinateurs, Pouillot, bien sûr, Randall Flagg qui était dans la chatroom ce soir, Inti qui est avec nous de temps en temps, aux amis de la chatroom, à vous les poditeurs chéris qui suivez les aventures du podcast semaine après semaine. Un merci tout particulier aux personnes qui interagissent, non seulement dans la chatroom, mais aussi sur Facebook, Twitter, Google+. Encore merci à Damien. Merci aussi aux personnes qui interagissent via les commentaires. Et même si le concept commence à être rodé, ben Podcast Science garde un petit côté complètement inédit et un peu expérimental. On n'a pas du tout la science infuse, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on fait. Du coup, les échanges, appréciations, encouragements, coups de gueule que vous nous faites parvenir par les différents canaux sont absolument essentiels à la bonne marche du podcast. Un immense merci pour ça. Et puis enfin, merci à toutes les personnes qui donnent un coup de pouce aux finances, occasionnellement ou régulièrement. Nico les a énumérées tout à l'heure. Si vous voulez vous aussi donner un coup de main, ben c'est sûr. podcastscience.fm/don. Et bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une interview vraiment épatante. D'ici là, gros bisous, une excellente semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie. Magnifique. We'll be right back. propose qu'on se fasse une soirée, on se fait une bouffe, on boit des bières et puis on discute mouvement. Génial. Ça marche. Bah écoute, ça marche. Ça me botte parce que plus je découvre les maths et la physique, plus j'adore. Et mais vraiment, je reviens de loin, je vous promets. On se voit à Paris, on se fait une bouffe et on parle mouvement brownien. ça fait rêver. Et puis maintenant, j'ai un grand appartement, j'ai la place de recevoir. Bon, juste sur un truc qui braille derrière, mais j'ai la place de recevoir maintenant. Robin, tu me trompes, on devait parler nœuds ensemble. En même temps, si on se fait inviter à Tête au Carré, est-ce qu'on va réussir à parler sur des tranches d'une minute, quoi ? Mais c'est ça le problème. Si on se fait inviter à Tête au Carré, on amène David. Pour rire. Juste pour le Non, ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y a pour le bouquin, il y a... Non, faut pas que je dise des conneries, vous allez encore m'enregistrer et me passer non, en 12D. Non, on plus là, Robin. Montre-lui comme t'enregistres plus. J'enregistre plus là, regarde, j'ai les mains levées. Les autres sont encore là ou on parle qu'entre nous là ? Non, on écoute. Ah bon, d'accord. Moi, disons que je comprends vachement bien d'où vous sortez tous les bonus maintenant, parce qu'entre ma copine, elle lit 50% des mots, mais elle lit moins vite, et puis et les histoires de diffusion brownienne, là, c'est... Bon, et donc maintenant qu'on est entre nous, qui c'est qui avoue qui fait voler des drones au-dessus des centrales nucléaires françaises ? En tout cas, je suis heureux de pouvoir parler avec un des utilisateurs de NetVibes. Je me suis toujours demandé qui pouvait utiliser ce truc-là, quoi. Écoute, j'en connais un autre, donc on est deux. Parce que je sais pas combien t'as de flux, mais moi j'ai déjà essayé de l'ouvrir avec 200 ou 300 flux, il a pas survécu, quoi. Non, je dois pas en être là, mais ouais, 150, je pense, à peu près. D'accord. Bon, allez, trêve de comparaison de qui a le plus grand nombre de flux. Par contre, j'aurais pas besoin des tulipes, donc... Arrêtez avec cette histoire de tulipes, je sais pas de quoi vous parlez. Ça a été coupé, je vous rappelle. Même moi, je sais. Hein. Tout le monde est au courant. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, mais si, merci LJJ. 192 est le nombre d'arêtes d'un hypercube de dimension 6. Ah, merci. Ah, mais ça, c'est une putain de propriété, ça. Ça, c'est bon, ça. Merci LJJ. Ah, ça, c'est bien, ça. Il m'inquiète un peu, le garçon, des fois. Non, moi, il s'il fait a le plaisir. Golden Blog Award, tu crois qu'il va citer quoi ? Toutes les propriétés du polyèdre qui vont lui remettre, là ? Je peux... Ah, ouais. J'avais du mal à imaginer LJJ sur scène. Mais si. Vu comme ça, ouais. Mais si, c'est une rockstar. Et si tu vas sur scène, je peux te prêter au Palais de la Découverte. On a des hypercubes, on a même des hypercubes de dimension 5, hein, si tu veux. Enfin, des projections en dimension 3, parce qu'on peut pas... Mais sinon, on n'a pas les moyens d'avoir la dimension 4 au Palais, mais... David Loureiro s'inquiète. Laisse-moi croire que tu le savais avant et que c'est pas ton esprit qui a calculé tout ça.